termine ce 4-6 avec Dinoro. NRJ. It's music only. Mais rassurez-vous, il y a aussi encore un best-of du 6-9 avant de retrouver l'équipe. C'est le Game Song, hein, comme promis. J'adore cette séquence. Franchement, je suis morte de rire à chaque fois. Donc, je vous conseille de l'écouter. On l'écoute d'ailleurs là dans quelques petites secondes. Et puis, moi, je vous retrouve dans pas longtemps, vu que ce sera vers 8h35 pour l'écran de Camille. On parlera de Danse avec les stars. Donc, je vous le dis à tout à l'heure. Le 6-9. 6h-9h. Sur Énergie. On va jouer. Qui vient jouer avec nous ce matin, Tiffany? C'est Cédric qui travaille comme conducteur de chariot élévateur dans une grande marque de bière. Il est marié, il a 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Et alors, il adore la pêche et il aime aussi regarder les émissions avec Mesmer, l'hypnotiseur. Ah ouais, c'est une bonne partie de pêche, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça moi. Sympa, ça détend le dimanche. Cédric, bonjour. Bonjour l'équipe, salut les fifous. Bonjour. Salut. Mais c'est vrai, vous avez jamais fait de la pêche vous les gars? Si, moi oui. Attends, c'est génial, je vous jure, ça détend. Non, j'ai jamais fait de la pêche. Même moi, on donne rendez-vous, on fait ça quand tu veux. Ah bah avec plaisir Cédric, vraiment, je te jure, ça me ferait vraiment plaisir. Un dimanche là, quand il fera beau. C'est-à-dire l'année prochaine. C'est dommage, c'est dans 8 mois. Cédric, on va jouer ensemble ce matin au Game Song. Le concept est simple, on te fait écouter des extraits. Et dedans, il manque un mot. À toi de retrouver le mot qui manque. On a remplacé ça par des bruits d'animaux. C'est quel animal ce matin, Frisco? Surprise. Je sais plus. Et ben, on... fait vendredi, je sais plus. Cédric, concentration, voici le premier extrait. C'est parce que tu crois, elles sont tous. À ton avis, quel mot manque, Cédric? Belle. Il fait la chèvre. C'est parce que tu crois, elles sont toutes. C'est une bonne réponse, Cédric. 1 point. Bravo. 2e extrait. Merci, merci. Attention, concentration. Quand je vois, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Alors, quel est le mot qu'on cherche? Quand je vois tes yeux. Quand je vois tes yeux, vérifions. Quand je vois tes yeux, mais oui, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Tu vois Cédric, on s'est lâché sur la playlist hein. On a choisi des bons morceaux hein. Ah oui, bah ça c'est un hit Energy hein, en 1982. Ça fait 2 points Cédric. Attention, on y va pour la victoire avec le 3e extrait. C'est parti. Alors, je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Il est là. Quel est le mot qu'on cherche ce matin, Cédric? Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Il est là. On vérifie. Alors, avec vous tous les matins. Oh, c'est gentil ça. On vérifie. Ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là. Il est là, le bonheur, il est là. Ah non, c'est encore il est où? Il est là. Il est là, le bonheur, il est là. Dans le 6-9. Sur Energy, bah oui, sur Energy. Eh ben bravo Cédric, c'est gagné. Merci, merci. Ouais, bravo mon Céd, c'était pas facile franchement. Non, trop difficile, surtout quand je vois tes yeux. Ah oui. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis. J'adore ce jeu. Eh ben c'est gagné Cédric, on te laisse choisir du cadeau ce matin. 4 places de ciné, l'enceinte Bluetooth du 6-9, ou alors la dernière compil énergie, qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai aussi le jeu Dragon Ball Fighter si tu veux. Dragon Ball Fighter? Eh bah ouais, sur Nintendo Switch, ça te dit? Non, j'ai pas de Switch, donc... Eh bah l'enceinte Bluetooth, on t'envoie ça à la maison. Bisous Cédric, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast audio et vidéo sur l'appli Energy Belgique. Dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all Ça fait du bien, hein. Ah ouais. Ou pas, 6h, une comme ça pique un peu. Bienvenue tout le monde. La météo avec chaussures Manier Luxus. Alors, joyeux ? Yes ! Enfin, s'il fait beau, parce que s'il pleut, je vais encore salir mes chaussures. Cela dit, j'ai une paire pour la pluie, et le vent, et la neige. L'interdit, l'interdit, l'interdit. Osez le frisson de l'interdit. Le nouveau parfum. Givenchy. Il est 6h02, bienvenue. Énergie. Heure de nous sommes mardi le 25 septembre. Bonjour. Bonjour. On a Alvaro Soler qui va arriver côté dans un instant. On est de retour pour une nouvelle journée avec vous. Pour démarrer ce mardi tous ensemble avec l'équipe du 6-9, les fifous du matin sont là. Il y a Tiffany au standard. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Marco. Oh Tiffany, a déjà mis son pull d'hiver. Bah oui, comment ça va? Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on va avoir des looks. T'as le look coco là pendant l'hiver. Non mais ça caille, sans déconner. Quand on se lève à 5h, ça picote. Hein. Bah, 2 degrés dehors, comme disait Aurélie. Ouais. Ouais, ça fait mal. Comment ça va Aurélie de la rédac? Oh ben froidement. Hein. Mais ça va. Et ben justement, petit point, tiens, sur la météo rapidement. Il va faire froid aujourd'hui, non? Un peu frais, oui. Nuageux aujourd'hui, temps sec entre 10 et 15 degrés, ça va plus ou moins. C'est le matin que ça pique en fait. Ouais. C'est incroyable. Ça pique vachement. Il y a Frisco qui est là aussi. Bonjour tout le monde. Il y a mon Jérém. Salut. Il y a tout le monde qui est là avec les fifous du matin aussi. Vous êtes là sur les réseaux sociaux. On vous attend sur Instagram. Venez. Ouais. Les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver. Et courage à vous. On dit que ça pique, mais je trouve ça encore. Ça va. Hein. Vous allez voir dans quelques semaines, les copains. Oh, non, ouais, ça va. On en reparlera quand il va falloir commencer à gratter. Là. Ça va être l'horreur. On n'a pas envie d'y être. Il va falloir se lever un quart d'heure plus tôt pour pas être en retard. Rien que de sortir l'orteil du lit, il gèle déjà. C'est affreux. Ou alors je propose qu'on démarre le 6-9 à 6h30 pendant l'hiver. Ouais, bonne chance pour négocier avec le boss. Bah quoi, histoire qu'on puisse gratter tranquillement, quoi. Ouais, c'est ça. Pas devoir se lever à 3h du mat pour gratter. Alvaro Soler qu'on écoute maintenant, juste après, c'est le retour du fugitif à 6h05. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda, calienta mi corazón. Como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura. choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, si tu besito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Alors c'est sur Énergie, bon réveil avec nous, c'est le 6-9 d'Énergie qui est de retour. Don't you ever leave me. David Guetta dans un instant avec Anne-Marie. Et c'est le moment que vous attendez tous les jours, hein. 6h05, 7h05 et 8h05. On se connecte avec le Fugitif Énergie. Le Fugitif Énergie, vous le trouvez, vous gagnez la somme incroyable de 20 000 euros. 20 000 euros cash à gagner grâce au Fugitif Energy et les casinos Golden Palace. Oui, on vous offre ça encore peut-être ce matin, si ouais. vous le trouvez. Il est peut-être chez vous. Ouh. Il bouge tout le temps très vite, mais il est partout en Belgique. C'est la personne la plus recherchée. Je vous rassure, il n'a rien fait de mal. Hein. Il y a juste 20 000 euros à vous offrir. C'est pas mal quand même. Ouais, juste 20 000 euros. C'est juste somme. Ça. C'est juste ça. C'est pas... Oh, foufou, quoi. Tu parles 20 000 euros. Tu sais que j'y pensais encore hier soir. Je te jure, j'étais dans ma salle de bain en train de prendre ma douche. Et d'un coup, je fais 20 000 euros. Je fais punaise, mais. Ah non, mec. Mais je me voyais déjà aux États-Unis, moi. Tu sais que ma copine a essayé de me travailler pour savoir si je savais où il serait ce matin et tout. C'est vrai. Dit, ouais. Scandale. Elle m'a dit, moi, je vais aller le chercher. Je dis, oui, bah oui. Je dis, bien sûr, Nat. Ouais, vas-y. Sauf qu'on va terminer tous les deux en prison sans emploi. Tiffany, du moi, standard. J'ai surtout pensé à Cindy qui est passée hier à côté. Je me suis dit, mais à sa place, mon Dieu, mais j'aurais la haine. Quoi. J'avoue. Bah, d'ailleurs, Cindy, tu seras à l'honneur dans un petit instant, sache-le. Cindy est en fait une fifou qui a hier été. C'était du côté de Charleroi. Il était dans un parc. C'était où d'ailleurs, parce que t'as été voir toi mon Frisco hier. Ouais, j'ai été par curiosité. C'était quel parc Rena Street. Parc Rena Street. C'est en plein centre de Charleroi. En fait, il y en a qu'un seul à Charleroi, je pense. Vous pouvez pas le louper. Et voilà. Et j'ai vu le fameux tag là, tu vois, où il était. J'étais exactement à la même position. Et j'ai fait. Et là, j'imaginais Cindy en doudoune noire qui passait comme ça devant. Le psychopathe, c'est qui se refait la scène. Ouais, c'est ça. 12 heures plus tard. Alors là, elle était là. Là, elle courait là. Ouais, je vois bien le truc. Ouais. En effet, Cindy qui. Bah, la pauvre est passée juste à côté, c'est-à-dire qu'elle lui a dit bonjour, je sais pas si vous vous rendez compte. Ils se sont dit bonjour, mais il faut lui serrer la main et lui demander si c'est le Fugitif Énergie pour gagner 20 000 euros, c'est très important. Il suffit pas de dire bonjour, hein. Il va te répondre bonjour, hein. Il va tracer sa route. Il est pas bête. Hein. Cindy, tu seras à l'honneur dans un instant, t'as concocté une petite chanson, je te le dis. On voulait chanter ce matin et du coup on va chanter en ton honneur, Cindy, ça va arriver. Bon, en attendant, Fugitif Énergie, où est-il ce matin? A-t-il donné des nouvelles? Alors, il a posté une photo. Alors, pardon, ouais. Il a posté alors. Ouais, mais j'étais pas prêt. Il a posté une photo de son ombre. Déjà, donc vous pouvez voir son ombre sur des pavés, comme ça. Et il est devant un casino Golden Palace qui a l'air d'être sur une place, mais je ne sais pas, il n'a pas mis de... Ça a l'air d'être une très jolie place. Ouais, d'une autre indication. Il a dit, je suis dans la même province qu'hier. Du coup, il est dans le Hainaut, je suppose, parce que... Monstrueux. Voilà. Dans quelle ville suis-je aujourd'hui ? En tout cas, hier soir, moi aussi, j'avais envie de jouer. Et j'ai été voir, et à Mons, c'était pas le même... comment dire ? Ah bon, c'est pas la même photo du casino Golden Palace. Peut-être que les gens connaissent, il faut qu'ils viennent voir sur Facebook. Allez checker la photo sur le Facebook d'Énergie Belgique. Ça te dit rien, toi, Jérém ? Moi, ça me dit rien, mais c'est une très jolie place. Ça a l'air d'être super beau, hein. Je veux pas m'avancer, mais je vois pas pourquoi il ferait pas Mons. Hein. Fait Charleroi. Par contre, il y a un commentaire qui dit je l'ai vu. Ou attends, tourner peut-être aussi, non ? Bah c'est aussi, ouais, c'est dans la province du Hainaut aussi, donc ça peut être Tournai, ça peut être Mons, ça peut être je sais pas. Ouais, et je, moi je vois dans les deux villes, donc je vois bien Tournai ou Mons ce matin, je sais pas pourquoi. J'ai le flair. En tout cas, il fait noir là-bas encore. Le jour est loin d'être levé. Le fugitif énergie est peut-être dans votre ville ce matin, vous le voyez, vous lui serrez la main, vous lui demandez si c'est le fugitif et vous gagnez 20 000 euros. Le fugitif énergie partout en Belgique. Vous le trouvez, vous gagnez. 20 000 euros. Et on va chanter pour toi, Cindy, puisque tu es passé à côté de 20 000 euros. On pousse la chansonnette, c'est les crooners du 6-9 qui reviennent après. David Guetta et Anne-Marie, bon réveil, 6h11. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest. I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. Alive today, with or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today, with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know. Martin Garrix et Khalid. 6h14 sur Énergie, on va chanter dans un petit instant. Oui, on va pousser la chansonnette pour Cindy qui est passée à côté à ça, hein, de 20 000 euros hier. On va chanter le fugitif Énergie, on va chanter la joie, on va chanter le bonheur d'être avec vous ce matin. Ça arrive dans un instant, juste après Martin Garrix. Et puis je vous rappelle aussi qu'on a du beau cadeau. Je vous explique comment gagner votre city trip à Barcelone. Restez avec nous. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Baby, it hits so hard. Holding on to my chest. les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit Music Only. Chez Tempo Team, titre service, nous recherchons des super aides ménagères. Bonjour, je suis la femme de ménage, je viens juste deux minutes passer l'aspirateur. Continuez. Donc, de super aides ménagères qui sont consciencieuses et qui s'investissent à 100%. Dans... Désolée, mais ces vitres sont vraiment sales. Oui, Tempo Team recherche donc... Voilà, comme ça au moins les gens vous verront bien. Mais en radio, il n'y a rien à voir. Ah bon? Ok, bon. Êtes-vous une star du nettoyage? Ou cherchez-vous quelqu'un capable de faire régner l'ordre et la propreté? Alors surfez sur tempoteam.be ou appelez le 0800 30 130. Tempo Team! Auto-yoga avec Corona Direct Assurance. Direct. Posez l'index sur votre tempe et tapotez-la trois fois. Voilà, c'est la posture. Eh, faudrait être dingue pour continuer à payer si cher mon assurance auto. Et oui, si vous conduisez moins de 25 000 km par an, vous pouvez économiser jusqu'à 50% grâce à l'assurance auto au kilomètre. Pour plus d'infos et calculer votre bénéfice, rendez-vous sur coronadirect.be. Corona Direct Assurance. Directement assuré, directement rassuré. Direct. Grâce à l'offre d'Orange, j'ai démissionné. Alors, je vous explique. À la télé, ils annoncent qu'il va faire beau. Je poste une invitation VTT. Le lendemain, mes potes arrivent. Salut ! Et boum, l'orage éclate. Oh. Donc on reste à l'intérieur, on joue à la loterie online, et bim, on gagne le gros lot. Ce matin, j'appelle mon boss. Hello ? Pour lui dire que c'est plus mon boss. Merci, Love ! Vous avez tout intérêt à devenir Love. Le all-in d'Orange, avec Internet mobile et fixe, et la télé, en illimité, pour 79€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. On pousse la chansonnette dans un instant. Avant ça, 6h17 sur Énergie. Un point sur les routes ce matin, Aurélie. Et soyez très prudents si vous circulez sur la 8. On signale la présence d'un piéton à hauteur de Rebec en direction de Tournai. La bande d'arrêt d'urgence est bloquée. La situation est très dangereuse. Qui fout le fugitif? Je sais pas, il est à pied ce matin. Arrête d'aller sur le ring, mon grand. T'es fou, quoi. Ouais, quoi, faites attention, parce que non, c'est vrai, prudence, ça peut être très dangereux, ça. Martin Garrix, merci Aurélie. Et Khalid, c'est ce qu'on écoute maintenant, et on revient juste après pour la chanson pour Cindy. Where we are, you could put an ocean between. Sommeil avec énergie. LP qui va arriver dans un instant. Ça, c'est une vraie chanteuse. Pas comme nous, vous allez entendre dans un instant. Oh, ben quoi? Nous sommes des crooners, monsieur. Les crooners du 6-9. Sont de retour ce matin. Eh oui, les crooners du 6-9 sont à l'honneur ce matin pour Cindy. Parce que c'est elle que nous allons mettre à l'honneur. On rappelle, Cindy est la personne pour l'instant qui a été le plus proche du fugitif énergie, puisqu'ils se sont dit bonjour. Mais elle vient pas serrer la main. Et quand elle a appris que c'était le fugitif, là, ah bah, elle, là, oui, là. Elle est pas bien. Elle est dégoûtée. Et je peux te dire que là, elle écoute plus énergie. Hein. Ça doit l'énerver. Quoique, au pire, si, puisque maintenant, elle sait à quoi il ressemble. Ben oui. Je suis sûr qu'elle garde ça pour elle, en mode, c'est jamais ça à me servir. Mais clairement. Mais tu as bien raison, Cindy. Garde ça pour toi, secret. En attendant, ça font fait une chanson pour toi ce matin. Ah, elle nous a bien inspiré. Ah oui. Nous avons lancé hier le hashtag Je suis Cindy. En hommage à Cindy d'être passée à côté des 20 000 euros. On a décidé de reprendre une chanson de Soprano et de te la chanter pour toi ce matin, Cindy. Voici les crooners du 6-9. Hashtag Je suis Cindy. Cindy. Alors ça c'est l'intro. Comme tous les matins sur Énergie, tu t'es branché pour connaître le lieu où le fugitif pourrait se planquer. Déjà plus d'une semaine que la Belgique veut l'attraper. Tout le monde y court, il y a 20 000 euros à gagner. Hier il nous a dit qu'il se baladait à Charleroi. Il a croisé Cindy en doudou noir car il fait froid. Elle lui a dit bonjour mais a oublié le plus important. Faut lui serrer la main si tu veux remporter l'argent. Hashtag je suis Cindy. Dégoûté à vie. Hashtag je suis Cindy. Je vais rester dans mon lit. Voilà ma chère Cindy. Hashtag je suis Cindy. C'est comment dire. C'est très folklorique. Alors si vous avez besoin, on fait tout. Mariage, bar mitzvah, communion, anniversaire, on fait tout. Voilà, il suffit de nous commander des chansons au crooner du 6-9. On exécute pour vous. T'imagines que Cindy, elle est devenue une star parce qu'elle a perdu 20 000 balles. Bah, elle a toujours pas perdu. Si elle veut sur la main d'ici là. Ouais, c'est vrai. Ça tombe, c'est peut-être elle qui va le trouver ce matin, le fugitif énergie. C'est bien. Rendez-vous à 7h05. J'ai envie de l'appeler, tiens. Le fugitif. Ouais, je m'en fous, j'ai son numéro. À 7h05, on l'appelle. Bonne idée, ça. Okay. Je suis un fifou. D'accord. Ouais, je suis un fifou. When you get older, plain or saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, long for the days of no surrender years ago. And will you know? Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke. 6h25 sur Energy. Dans un instant, Kenji. Vous avez envie d'oublier cet hiver qui est en train d'arriver chez nous en Belgique? Oui, ah oui. Est-ce que vous avez envie d'oublier cette rentrée déjà et de partir en vacances? Oh oui. Eh ben j'ai ce qu'il vous faut. Je vous envoie à Barcelone les copains. C'est le City Trip qu'on a pour vous, c'est le 6-9 qui régale. City Trip à Barcelone. Alors j'ai encore regardé la météo hier. C'est full soleil, je vous le dis direct. Full soleil et des températures qu'on est loin d'avoir ici. C'est pas encore facile d'aller à la plage en maillot? Ah oui, là, bah, enfin, après ça dépend si t'es frisquette ou pas, mais 26, 27, tu vas toi? Bah évidemment, tu rigoles ou quoi? En plus, c'est souvent les températures à l'ombre qui donnent. Et je vous annonce ce week-end, vendredi 26, samedi 26, dimanche 25. Voilà, avec que du soleil, il n'y a que des petits soleils dessinés, pas un nuage, pas une goutte de pluie. Des palmiers. Donc voilà, si ça vous botte d'aller ce week-end à Barcelone ou un autre week-end, hein, vous y allez quand vous voulez, vous y allez avec la personne de votre choix, c'est Energy qui vous paye tout ça. Il suffit de vous inscrire maintenant par SMS, ça va très vite, vous envoyez TRIP, T-R-I-P par SMS au 78-6-0-1-8, le mot code TRIP. Et qui sait, à 9h, on va peut-être vous appeler, vous dire vous partez à Barcelone, tout frais payé. Ah, ce serait top, hein. Attends, avec un petit SMS. Ah non, moi je suis en kiff, hein. 2 euros, c'est parce qu'on peut pas jouer, sinon je le ferai moi-même, je vous jure, j'enverrai un SMS tous les jours. Je vais prendre mon téléphone, je vais le faire. On ne peut pas. Ah merde. Toi, en attendant. Ah, ça c'est une cagnotte, ça. Allez, hop là, 10 euros. Non, mais non, pas jamais 10. Non, 5, allez, je suis gentil. Allez, 5. Bah ouais, 5. Pourquoi une cagnotte? Parce qu'il a dit un vilain mot. Et pour l'instant, voilà, on met des sous dans une tirelire, une cagnotte. On sait pas trop ce qu'on va faire avec, mais voilà, pour l'instant, ça cotise. On a combien d'ailleurs, Tiffany? Et je peux vous dire que je veille au grain. Ah, ben là, on est à près de 60 euros, hein, quand même. Déjà? Ah, ben ouais, bah oui. En un mois? Les gars, il y aura plus à se faire avec la cagnotte qu'avec le fugitif. Non, quand même pas. En attendant, donc, séjour à Barcelone City Trip pour deux personnes. Vous envoyez donc TRIP maintenant, T-R-I-P par SMS au 6018. Ça vous coûte 1 euro le message envoyé reçu. Et on vous appelle en fin d'émission pour vous offrir ça. Bonne chance. For you to come and stay over, 'cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. Need someone to do the things that I do. I'm healing out, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. La météo avec chaussures Manier Luxus. Alors, joyeux? Yes! Enfin, s'il fait beau, parce que s'il pleut, je vais encore salir mes chaussures. Cela dit, j'ai une paire pour la pluie, et le vent, et la neige. 6h30 sur Énergie, bienvenue, un point sur la météo, tout de suite. Alors aujourd'hui, le temps sera généralement sec. On aura quelques nuages, quelques éclaircies entre 10 degrés en Haute-Fagne et 15 degrés partout ailleurs. L'actualité à 6h30, l'actu de ce 25 septembre avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour, si vous prenez les transports en commun, prenez les devants. Les syndicats des techs maintiennent leur préavis pour le 28 septembre et le 2 octobre. Hier, ils ont rencontré la direction. Une réunion pour limiter la participation syndicale aux manifestations interprofessionnelles. Aucun accord n'a été trouvé, du coup les actions sont maintenues. Ce vendredi, de nombreux agents participeront à la manif organisée à Bruxelles, une manif contre les mesures gouvernementales qui touchent le secteur public. Child Focus lance son premier Not Found Day. Cette opération pour mission de faire connaître l'application notfound.org. Cette appli, elle permet d'afficher les annonces de disparition sur les pages d'erreur 404. Actuellement, près de 5700 sites internet l'utilisent. En sport, la cérémonie des Best FIFA ou Football Awards a eu lieu hier soir. Thibaut Courtois a été désigné gardien de l'année. Ah et, ouais, et Eden Hazard, qui a fini 7e dans la liste des meilleurs joueurs, a quant à lui été repris dans le 11 idéal, donc dans l'équipe idéale de la FIFA. C'est quand même une nouvelle vachement sympa. Ah mais c'est la fameuse équipe de légende là, non? C'est pas ça sur FIFA? Non, le en gros, non, pas de légende, c'est la meilleure équipe de l'année quoi. Ah ok, voilà. Et ils mélangent les joueurs de plein d'équipes, c'est ça? Exactement. L'équipe créent l'équipe idéale de l'équipe rêve. L'équipe idéale, voilà. Ouais. Je vous dis que c'est une équipe qui devrait faire sur FIFA. Ben ouais, d'ailleurs, pourquoi, FIFA, ben il sort vendredi et on l'aura pour vous. Je dis ça? J'ai rien. Des milliers de gift cards de 60 euros à gagner. C'est ça aussi les offres 60e anniversaire. Creffel. Les meilleurs prix, service compris. Conditions sur creffel.be. Le 6-9 sur Énergie, ça me fait rire. Nerveusement, je veux dire. Merci madame, toujours un plaisir d'être avec vous. Allez, 6h32 sur Énergie, on espère que tout va bien. Bon réveil avec nous, c'est le 6-9. Bonjour. Bonjour. Il y a toute l'équipe qui est là, il y a Tiffany au standard. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps. Ben oui, c'est vrai. C'est notre Julia Roberts du standard. Enfin, ouais. C'est plutôt Robert au standard, mais c'est... Eh oui, les gars. 0800-23456, numéro gratuit d'ailleurs, pour appeler Julia ce matin. Enfin, Tiffany. On aurait dû t'appeler Julia, en fait. Ça aurait été sympa, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. On peut changer, tu sais. Ça me va tellement bien. Il y a Frisco aussi qui est là ce matin. Bonjour tout le monde. Bonjour, mon Marco. Bonjour, mon Frisco. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai bien entendu. Pardon, ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai, mais pas de problème. Je vais te trouver un son un jour, tu vas le regretter toutes ces années. Il y a Jérém aussi qui est bonjour. Là. Bonjour. Il y a Aurélie de la Redac. Hello. Et il y a tous les fifous aussi qui sont avec nous ce matin sur Instagram. Il suffit de venir nous rejoindre. C'est les fifous du 6-9 sur Énergie. On a notre groupe aussi Facebook, les gars. Oui. On est bientôt à 2000. Ouais, bah. Oui, combien il manque? Mais 10 personnes. Il manque même pas 10 personnes. C'est vrai. Ouais. Oh, bah non, attends, vous m'arrangez ça maintenant, les gars. On va pas tourner autour du pot maintenant. 6h33, on règle le problème. On arrive à 2000. Vous invitez des copains. Là, on est à 1991. Eh ben voilà, ça va. Il y a 9 personnes à trouver là en rapidement. Allez-y, ouais. C'est des fifous du 6-9 sur Énergie. C'est un groupe Facebook. On doit vous accepter. Voilà, il faut demander à venir dans le groupe et on dit oui à tout le monde. Hein. Oui, c'est ça, on n'a jamais dit non, on a dit non à personne. On ne juge pas. Voilà. Sauf si vous avez des lettres d'or sur votre photo de profil. C'est un manque d'hygiène. Hein. On n'est pas là pour juger. C'est un manque d'hygiène. Non, mais voilà, tout le monde est accepté. On commence à recevoir des. Hop, allez. Et allez que j'approuve Jérémy et Jérôme. Et April aussi. Et Mel. Et Charlotte. Et Kevin aussi. Oh, Jérôme, il est amoureux avec sa copine. Ouais. Il voit une belle photo. Mignon, allez, il faut qu'on arrive à 2000. Elle s'appelle Enfant des villes ou enfant des fois. On se fait tous une île pour aller bien à l'horizon. Pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge, qui qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. Sur Energy, c'est Jack Jones qui arrive. Vamos, vamos, vamos. Chanson. Pourquoi je fais vamos? J'ai l'impression que c'est Kenzie, quoi. Rien à voir. J'aime bien, mais aussi Tiffany. Bah oui, ring ring. Ah, j'aime beaucoup. On écoute ça dans un instant sur Energy. Elle fait des blagues. Elle a eu le rire de Julia Roberts, mais fois 200 là. C'est vrai. Incroyable, incroyable. On est mardi et comme tous les mardis à 6h35, voici les sondages du mardi. Ah, ah, rien ne l'amuse. Ouais, ouais, mais moi laisse tomber, je suis un enfant. Les sondages, je vous donne des chiffres, à vous de me dire de quoi il s'agit. On y va en moyenne 27 fois par jour. Aux toilettes. On est connecté. Mais non, les gars, 27 fois par jour. C'est énorme. Et quoi, quand t'as une certaine maladie qui te donne envie d'aller aux toilettes, tu peux aller 27 fois par jour. Oui, bah t'es né malade alors. Hein. Dans le frigo. Ouais. 27 fois, ça c'est frisco, ça. Oui. 27 fois par jour. Plus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On y va 27 fois par jour. Dans la salle de bain. Alors, je vais vous donner un petit indice, c'est pas un lieu. D'accord. Ah. Ah. C'est plutôt sur quelque chose. Dans son nez. Non. Sûr. Enfin, sur, sur son nez. Est-ce que c'est quelque chose oui, c'est que, les hommes et les femmes font? Oui, c'est commun à tous. Les enfants aussi. Ils peuvent être amenés à le faire aussi, oui. Voilà. Je sais pas si eux ils vont 27 fois par jour, ça serait pas très très bon, mais. On va sur quelque chose 27 fois par jour. Sur voilà. Le téléphone. Sur le smartphone, les copains. Ah. Et ouais, en moyenne, 27 fois par jour, ah ouais. On va sur le smartphone. Ah, mais c'est beaucoup plus. Hein. Enfin, moi, je sais que. Une moyenne. Tout le temps dessus, quoi. Ouais, c'est vrai. Toi, il est collé, toi, vieux. Je te jure, j'ai jamais vu Frisco. Même des fois, il a les deux mains. Bah, il a quand même le smartphone dans une main, tu vois. Bah il ouais, l'utilise pas, mais il se balade avec, il marche ouais, avec, on sait jamais. On sait jamais que quelqu'un m'appelle, bam. Directement, tu l'as. Parfois, il le pose même sur le bidou. Tu vois, il tient tout seul. Et... c'est pas vrai, ça. Et puis, quand il reçoit un message, ça vibre. Ah ouais, et si on kiffe. Et c'est Luc du téléphone, lui. Ouais, je décroche plus vite que mon ombre. T'as même pas le temps d'avoir une sonnerie, bam, allô. 14% des gens le demandent systématiquement. C'est un mot compliqué, celui-là. L'orthographe de ce mot que tu viens de dire. 14% des gens le demandent systématiquement lorsqu'ils vont au restaurant. À votre avis, c'est quoi? Le ticket? Le ticket, non, bah c'est. Bah, la note, quoi. J'espère que pour eux, que c'est au moins 100% des gens. Non, je sais pas, une serviette. Non. Du pain. Ah, du pain, c'est pas bête, mais non, c'est pas ça. J'ai envie de vous dire, je pense pas que ce soit le cas en Belgique. Je pense pas qu'il y ait autant. Et plus en France, à mon avis, qui demande ce genre de truc. Ah, l'eau. Du sel. Ah, la cruche d'eau. Non, c'est pas ça. Du sel. Non, vous avez pas trouvé, je vais vous le donner. 14% des gens demandent systématiquement une autre table au restaurant. Mais c'est vrai? Une autre table? Une autre table. Celle-là me plaît pas, j'en veux une autre. Oh, ils sont chiants les gens. Mais déjà t'es content, tu vas au restaurant, garde la table qu'on te donne. Mais non, mais c'est vrai que parfois il y a une table qui a l'air vachement mieux, mais elle n'est pas encore rangée, alors t'as envie d'ennuyer le serveur. Le belge il est trop sympa, alors que le français va plus dire ouais, je m'en fous, moi je veux celle-là, même si elle n'est pas nettoyée. Petite anecdote très rapide, pour mon anniversaire on avait fait ça dans un grand parc avec les grandes oreilles, enfin Disneyland quoi. Et je vous jure que c'est vrai, il y a le truc d'un un restaurant de pirates où tu manges dans l'attraction des pirates. Ah, ouais. Oui. Et c'était pour mon anniversaire et on avait une table pourrie. J'ai commencé à pleurer, mais je vous jure que c'est vrai. Avec quel âge? À 25 ans. Oui, à 25 ans. Non, parce que tout allait bien. À la limite. Mais j'étais fatigué, grosse journée, tu vois, voilà. Et j'ai pleuré parce que je voulais vraiment être devant, quoi. La nana remue tout, ciel et terre. Elle me met devant, je vous jure véridique. L'attraction s'allume. Il y a un problème technique, nous reviendrons d'ici une petite heure, deux heures. Merci de quitter l'attraction. Et là, je te promets, j'ai mangé avec, tu sais, les lumières techniques, quoi. Donc, tout super moche, quoi. Il n'y avait plus de bateau qui passait. J'ai dit, bon, bah la prochaine fois, si j'avais su, j'aurais pris la table à la fin. Voilà, au moins. Il ne serait rien arrivé. Voilà, petit aparté. Voilà. On finit avec un. On reviendra. En vous remerciant. On finit avec un petit sondage belge. 21% des Belges, pour 21% des Belges, c'est l'activité préférée en vacances. Bronzer. Cramer, tu veux dire. Ouais, faire des sudoku. Non, c'est pas ça. Faire du sport sur la plage. Est-ce que c'est une activité sportive? C'est une activité. Bon, ça dépend avec qui tu le fais. Ça pourrait être sportif, mais là, non. Un musée? Non, on n'est pas loin. Un musée 21% des Belges, c'est l'activité préférée en vacances. Aller faire la tournée des bars. Faire l'amour, si c'est sportif. Non. Visiter? On n'est pas loin, visiter, etc. Ça se joint. Se perdre dans les rues. Non, c'est faire du shopping tout simplement. Ah ouais, pour 21% des Belges, c'est l'activité préférée en vacances, le shopping. Super. Mais c'est vrai qu'on craque toujours un petit peu. Hein. Quand en vacances, tu te perds dans les rues. Mais c'est vrai que on est tous comme ça. On se garde une demi-journée. On fait allez là ce matin là ou cet après-midi, on va faire les boutiques. Et ce que je comprends pas, c'est les filles qui vont dans les mêmes magasins que t'as les mêmes à Bruxelles. Non, mais c'est pas la même chose. Si, tu vois, c'est pas exactement le même parce que des fois ils sont plus grands, il y a autre chose. Oui, puis il y a d'autres modèles. Voilà. Vu que t'es dans c'est moins cher aussi. Arrêtez. Vu que t'es en vacances, il y a d'autres trucs quoi. Mais si vraiment. Ouais, tu peux pas savoir parce que t'es pas une fille, j'ai quand même. Ah, tant mieux. Jack Jones sur Energy, 6h43. If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today I'm feeling closer to you. Ring, ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, are you there? You there? You there? Ring, ring. If you make it out alive, jouer au jeu du serveur dans un instant. Il y aura Luciani aussi. Ah, j'aime beaucoup, moi. C'est pour toi, ça, mon Jérémy. Ouais, merci, Marco. Merci. À tous ceux à qui ça fait plaisir, c'est pour vous ce matin. 6h45, Cara Luciani qui arrive dans un instant. Et puis votre city trip aussi à Barcelone. Oui, prends garde. si tu rates ton avion. Ah, ça peut être ballot parce que franchement, c'est un beau cadeau. Barcelone, c'est une très belle ville. On y a déjà été, aussi à Barcelone. J'ai fait 6 mois. En Erasmus. Donc si vous avez gagné ce matin, je vous donne 2-3 bonnes adresses pour aller manger des tapas, mais le pet sur le parterre. Tellement c'est bon. Ce gars a vécu partout. Mais oui, j'ai l'impression, je vais l'appeler Robinson. Je sais pas. J'ai eu 3 vies. C'est incroyable. Si vous voulez aller à Barcelone, c'est le 6-9 qui vous offre ça ce matin. Un city trip. Il suffit de vous inscrire avant. Hein. Évidemment, c'est comme tout. C'est comme les boules. Il faut jouer pour les faire tomber. Les boules ? Oui, enfin le loto quoi. Ah. Vous envoyez TRIP maintenant, T-R-I-P, par SMS au 78-6018. Le mot code TRIP, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Et on vous appelle aux alentours de 9h pour vous offrir un city trip à Barcelone pour 2 personnes. Terrible. Voilà, il y a du très beau temps encore là-bas. Il fait encore très chaud. Il y a moyen de vous faire plaisir. Et puis là, on parle de shopping juste avant dans les sondages. Là, il y a de quoi faire. Hein. La rame là. Ah oui, là, il y a vraiment, vous allez vous régaler les restos là-bas. Maya. Je vous jure, ça me donne envie, je crois que je vais me réserver un petit week-end à Barcelone. Trip par SMS au 6018 pour vous inscrire. Bonne chance. Faites-le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Besoin d'une assurance auto. Je cherche en ligne. Oh, mauvaise connexion et trop d'informations. Oh, un simulateur. Date d'immatriculation, ils ont de ces questions. Oh, c'est énervant, je perds mon temps. Allez, ciao simulation. J'ai une meilleure idée. J'appelle les AP. Véronique des AP Assurance, bonjour. Ouf, une vraie personne. Vous sentez bien un Opel Mokka X avec des phares LED adaptatifs. Mais votre femme, elle, sent encore mieux l'ouverture sans clé. Heureusement, lors des journées SUV Opel, vous avez 50% sur toutes les options. Comme ça, pas besoin de choisir. Découvrez-les maintenant dans les showrooms Opel. Et vous, vous la voyez comment votre cuisine de rêve ? Tu sais, moi, mon style, tu me connais. Il s'appelle pas comme les autres. Avec des plinthes et des armoires éclairées. Oh, trop la classe. Parce que tout le monde rêve d'une cuisine différente. Tout est possible chez Cuisine Créfell. Vraiment tout ? Tout, même un budget cuisine qui vaut 50% de plus. Un exemple, avec un budget de 8000 euros, nous vous offrons 50% de plus et vous pouvez vous offrir une cuisine équipée de 12000 euros. C'est ça le mois de rêve. Cuisine Créfell, mon rêve, ma cuisine. Ah, la télécommande. Tout le monde connaît cet objet farceur qui contrôle la télévision, mais aussi vos nerfs. Bon d'ailleurs, elle est où celle-là ? Sous le coussin, dans le canapé, sous mes fesses ? Ah oui, sous mes fesses, elle est là ! Ah, le film est fini. Eh ouais, tout le monde fait la même chose. Mais tout le monde ne paye pas la même chose. Scarlett Trio, télé, internet, téléphone, 39€ par mois. Pourquoi payer plus ? La Golf avec 2 séries, le détecteur de fatigue qui vous tient éveillé ! Conditions portes ouvertes jusqu'au 25 septembre chez Volkswagen. Jusqu'au 7 octobre chez Planète Parfum, échangez un flacon vif de parfum contre 20% de remise sur un parfum au choix. Planète Parfum, fan de beauté. Êtes-vous certain de ne pas être passé à côté ? Aujourd'hui, il est peut-être là, à quelques mètres de vous, dans votre ville, dans votre quartier. Le fugitif énergie, il vous offre la somme incroyable de 20 000 euros. Rendez-vous sur énergie.be pour toutes les infos. Et tous les matins à 6h05, 7h05 et 8h05, le 6-9 sur énergie vous donne des indices pour le découvrir. Le fugitif énergie, partout en Belgique. Vous le trouvez, vous gagnez 20 000 euros. Et du lundi au vendredi à 17h15, un indice exclusif vous attend sur goldenpalace.be/le fugitif énergie. Golden Palace, nous prenons le jeu très au sérieux. On fait le jeu du serveur dans un instant. Il y a Cara Luciani qui va arriver. Le jeu du serveur, c'est génial. On fait travailler la mémoire. Faut retenir des trucs et tout. Vous allez voir, c'est très chouette. On joue à ça juste après. Un petit point sur les routes, Aurélie. Eh bien, ça coince sur le ring extérieur de Bruxelles entre Vilvoorde et Gette. Vous perdez 43 minutes sur le ring intérieur. Comptez 16 minutes en plus entre Grand Bigard et Gette. Il y a aussi des ralentissements au sud du pays. Sur le 411, vous perdez 1 heure entre Stockholm et le Luxembourg. Énergie. 53 sur Énergie, Maroon 5. C'est ce qu'on va écouter dans la playlist Énergie, assure. Mais avant, on va jouer ensemble un jeu que j'aime beaucoup parce que je le fais pas. Comment ça, tu le fais pas? Non. Le jeu du serveur, le concept c'est simple, c'est comme un serveur. Moi je suis toujours impressionné quand je vais au restaurant ou dans un café avec des copains. On est une petite dizaine et on commande et le mec il note rien. Ouais. Ça, je vous jure, je suis toujours. Alors ils vont vous dire c'est leur job, ok, mais quand même. Mais moi quand j'étais serveur, mec, je notais. Hein. Oui, pas valait mieux pour toi. Ouais, tu notais alors, et tu mangeais les plats des autres. L'entrecôte de kilo, c'était pour qui? Non, monsieur, non. Oh zut! Oh chef, tu t'es trompé, je vais devoir la manger maintenant. C'est vrai, c'est très très impressionnant. Et du coup, on joue au serveur. Il y en a un de l'équipe qui va devenir le serveur. Et pendant une minute, on lui passe commande. Le but, c'est qu'après une minute, ils se souviennent de la commande. On va pas jouer tout seul ce matin parce qu'il y a quelqu'un qui vient jouer avec nous, Tiffany. Oui, c'est Baptiste. Et d'ailleurs, il est en 4e secondaire. Il étudie en option scientifique. Il aime le vélo et il adore regarder l'émission TPMP. Ah, bien. Ouais. Salut à toi, Baptiste. Salut tout le monde. Salut. Salut ma petite beauté. J'ai regardé un peu hier soir, tiens. Ouais, j'ai regardé tout le début, enfin juste le premier quart d'heure. Et c'est bête, hein, je sais que la dernière fois j'avais dit, mais c'est pas que j'aime pas, mais je trouve qu'il devient un peu la caricature de lui-même, Cyril Hanouna. Ouais. Mais c'est con, mais tu mets ça, t'as le sourire. Oui, hein, tu restes, tu te fais avoir. Quoi. Ouais, c'est ça. Baptiste, tu viens jouer avec nous ce matin au jeu du serveur, on va tenter de t'offrir du cadeau. Alors évidemment, c'est pas toi qui vas faire le serveur, Baptiste, parce que sinon tu peux noter chez toi, et on y verra du feu. Du coup, il va falloir que tu choisisses quelqu'un de l'équipe qui va jouer au serveur, et s'il y arrive, eh ben, c'est du cadeau pour toi, Baptiste. Tu vas choisir qui? Il y a Tiffany, il y a Jérémy, il y a Frisco, on va s'arrêter là. Bah, Frisco, il aime la nourriture, hein. Okay. C'est pas faux. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai l'info du ventre. On va voir si j'ai des restes. Il y a toujours des restes. Frisco, on passe commande. On a chacun une minute. Enfin, chacun. Tous ensemble, on a une minute pour passer commande. Et Baptiste, tu pourras aussi passer ta commande. Donc réfléchis déjà à un plat, à n'importe quoi. Hein. Peu importe. Ça va? Ok. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Ouais. Allez, une minute. Jérém, tu démarres. Allez, vas-y. Moi, je vais prendre un tartare de bœuf avec du parmesan, hein, parce que j'aime ça. Okay. Et avec des frites et surtout mayo ketchup pour faire la sauce cocktail moi-même. Okay. Okay. Et un coca. Aurélie de la rédac. Alors moi je vais prendre des tortellini à la crème avec un supplément de parmesan et un coca zéro. Il n'y a pas à la carte. Moi j'ai connu. tortellini à la crème avec parmesan. Baptiste, tu peux passer commande. Moi j'ai pas très faim, donc juste des pâtes. Il est sympa avec toi. Mais il a envie de gagner. Tiffany du standard. Moi, je vais prendre une brochette d'agneau, ou non, plutôt une entrecôte, avec de la salade, des frites, et vous pouvez mettre un petit supplément de sauce à côté, sauce archiduc. Ok. Oh, moi, je vais faire comme elle, en fait, j'annule mon plat. Ok. Je mets sauce poivre vert. Ok. Et un coca. Ok. D'accord. Et alors, moi, je vais prendre une brochette mixte, avec pâtes et frites. Mais ça, c'est ce que tu prends d'habitude au grec. Le pire, c'est que c'est vrai. Le mec, ça fait un an qu'on va manger en face au grec. Tu prends tout le temps la même chose, donc je connais ta commande par cœur. Allez, on y va. On répète la commande. Est-ce que quelqu'un a noté la commande? Non. Alors. On sait ce qu'on prend, hein, Marco. J'ai dans la tête. Ah oui, c'est vrai. Chacun sait ce qu'il a pris, exact. Voilà. Alors, c'est une brochette mixte, moitié pâte, moitié frites. Ouais. Normal. Voilà. Avec... On dit ce que tu bois ou pas? Non. Alors, pour les deux zigoteux, là, c'est deux entrecôtes avec salade frites et deux coca, du coup. Une sauce archiduc, une sauce poivre vert. Et pour notre ami, c'est des pâtes, parce qu'il n'a pas très très faim et qu'il a surtout envie de gagner. Et pour Aurélie, c'est des tortellini à la crème avec du parmesan et un coca light. Non. Light. Non, il a raté. C'est un coca? Non. Un coca zéro. Et ouais. Oh, bah, c'est non, pareil. Oh non, c'est pas la même attendez, chose. Non. Objection, chose. Votre honneur. Un coca zéro et un coca light, honnêtement, t'as déjà goûté, ça a le même goût. Allez. Non, je suis désolé. Moi, je reçois un coca light à la place d'un coca zéro, je remballe tout, je paye mais pas tu la. Mais tu bois du coca, toi. Tu bois du coca, qu'est-ce que tu t'en fous? Un coca zéro, un coca light, ça a le même goût. Allez, et puis c'est pour sa défense, je trouve que coca, ça reste coca. Oui. Et alors, et quoi, la commande est faite là, on a tout dit, sinon, à part ça. On a tout dit. Bon, alors, c'est gagné, qu'est-ce que vous. Ouais, ouais. Midi, attends. C'est gagné, mais moi je paye pas le coca light. Dégueulasse. Eh ben Baptiste, on te laisse choisir du cadeau. Je te laisse voir ça avec Tiffany. On te souhaite une belle journée, Baptiste. Bonne journée à vous aussi. À bientôt, salut. What you say, boy? You tryna play coy like a Game Boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. Ay, papi. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I want it, yeah. I heard you a freak too. That's right. What's 2 + 2? Bienvenue sur Énergie. And you're listening to Énergie. météo avec Chaussures Manier Luxus. Alors, joyeux ? Yes ! Enfin, s'il fait beau, parce que s'il pleut, je vais encore salir mes chaussures. Cela dit, j'ai une paire pour la pluie, et le vent, et la neige. Dans un instant, on a un nouvel indice, enfin j'espère, avec le fugitif. On va même l'appeler, tiens, je vais arrêter de tourner autour du pot. Voici la météo. Et aujourd'hui, le temps sera généralement sec. On aura quelques nuages, quelques éclaircies aussi, entre 10 et 15 degrés. L'actualité de ce mardi 25 septembre, c'est avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour, les syndicats des techs maintiennent leur préavis pour le 28 septembre et le 2 octobre. Ils ont rencontré la direction hier. Une réunion pour limiter la participation syndicale aux manifestations interprofessionnelles. Aucun accord n'a été trouvé. Les actions sont donc maintenues. Vendredi, de nombreux agents ont prévu de participer à la manifestation organisée à Bruxelles. Une manif contre les mesures gouvernementales qui touchent le secteur public. En sport, la cérémonie des Best FIFA Football Awards a eu lieu hier soir. Thibaut Courtois a été désigné gardien de l'année. Eden Hazard, qui a fini 7e dans la liste des meilleurs joueurs, a été repris dans le 11 idéal. En bref, dans l'équipe de rêve de la FIFA, il se retrouve aux côtés de Sergio Ramos, Luka Modric, le joueur de l'année d'ailleurs, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Et enfin, toujours en football, on débute les 16e de finale de la Coupe de Belgique. Ce soir à 20h, Eupen rencontre Tubize et Westland Beveren fait face à The Game. À 20h30, Harelbeek joue contre Courtrai. Les femmes sont l'avenir du numérique. Tu me crois pas ? Wallonia Wonder Woman, action. Parce que c'est vraiment l'avenir, c'est intéressant. Ça n'a pas de limite et on peut travailler dans n'importe quel domaine. Se mettre la barrière de « bah non, moi je suis une fille, les filles elles font pas ça ». C'est pas vrai. Tout le monde devrait faire du numérique. Wallonia Wonder Woman, première. Découvre leur parcours de ouf sur digitalwallonia.be/woman. Digital Wallonia, nous transformons la Wallonie. L'interdit, l'interdit, l'interdit. Osez le frisson de l'interdit. Le nouveau parfum. Givenchy. Debout, allez, il est 7h04, bonjour. Bonjour. On a James Arthur qui va arriver côté dans un instant. Toute l'équipe est là au taquet, on est là avec les fufous du matin. Il y a Tiffany qui est au standard, bonjour Tiffany. Bonjour tout le monde. Belle créature. Oula. Il y a Frisco aussi qui est là. Bonjour tout le monde, bonjour Margot. Moins belle créature. Oh. Mais t'es vraiment méchant avec moi aujourd'hui, qu'est-ce que t'as ? Mais je déconne, je passe de Tiffany à toi, forcément je peux pas... Justement, je ne vois pas où est le problème. Deux poids, deux mesures. Toi, toujours parler de poids aussi, toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, c'est une expression. Il y a Jérémy qui est là aussi. Bonjour ce matin. Bonjour l'équipe. Bonjour la Belgique. Il y a Aurélie de la rédac. Bonjour. Et il y a le fugitif énergie aussi ce matin. 6h05, 7h05, 8h05. On a rendez-vous avec lui. On va être un peu en retard pour notre deuxième rendez-vous, je te le dis. On l'appelle. Non, je rigole pas. On l'appelle. Ouais, il nous a envoyé un message. C'est vrai, qu'est-ce qu'il fait ? Il a dit appelez-nous. Oui, c'est toi qui décide, hein, je l'ai déjà dit il y a une heure. Ouais, bah, c'est lui qui le dit. Créativité zéro, fugit. On l'appelle juste après James Arthur. Deep down, you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry. Like, ooh, oh, ooh, oh. I know I do this every time. Like, ooh, oh, I know that I just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better than you even realize. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. And I hope you find somebody else. They love you like nobody else. And I hope you give you something real. Oh, I love you still. But you deserve better, better, better, better. Give up on me, cause babe, I'm hopeless. The more it hurts, the more you try. You know I love that, I just never showed you. It'll be too late when you're with some other guy. But like, ooh, ooh, ooh, I know I do this every time. Like, ooh, ooh, I know that I just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I know what you need. You're better, better, and you even realize. You deserve better, better, better than me. You deserve might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in life. And I hope you find somebody else. They love you like nobody else. And I hope you give you something real. Oh, I love you still. But you deserve better, better, better, better. 7h07 sur Énergie, Dadju qui va arriver. C'est les chiens comme Django, Django. Ouais. C'est les chiens comme Django. Dadju dans la playlist Énergie dans un instant. 7h07, on se connecte avec le Fugitif Énergie. Le Fugitif Énergie, le Fugitif Énergie. Il faut bien regarder autour de vous tout le temps. Il peut être là, assis à côté de vous, dans votre ville, dans votre rue. Ce matin, il est peut-être là, dans votre lit. Tout nu. Chérie, c'est toi le fugitif. Si vous le trouvez, vous gagnez 20 000 euros. C'est la belle somme qu'on vous offre avec Énergie et Golden Palace Casino et Sport. À 7h07, on l'appelle ce fugitif ce matin. On a son numéro. On arrête de déconner. Vas-y, Tiffany. Tu peux composer le numéro. Elle est en stress total, c'est incroyable sa tête. Elle est oui, parce que cette histoire de fugitif me stresse. C'est trop drôle, il y a Cindy qui a commenté. C'est vrai ? Ouais, ouais. Cindy, hashtag je suis ici. Ah, il a répondu. Allô ? Oh, tu fous là ! Toujours enrhumé, fugitif, ça va pas mieux apparemment. Oh, fugitif, tu peux me faire un kiff ? Je suis ton père. Ouais. C'est ce que je voulais. Fugitif Energy, ce matin, on est ravis de t'avoir au téléphone avec nous. Déjà, première question, as-tu entendu notre superbe chanson notre superbe chanson avec Cindy tout à l'heure? Ah non, j'ai pas eu le temps, je dois fouiller en ce moment. Je comprends rien à ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a dit j'ai pas entendu, je dois fuir en ce moment. Fuis. Alors attends, avant de fuir quand même, Fugitif Énergie, c'est important, on t'a au téléphone, on va te garder le plus longtemps possible. Non mais vraiment, déjà avant ça, j'aimerais savoir, parce qu'on a vu une photo à 6h05 dans la région du Hainaut. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Est-ce que tu peux nous décrire, nous aider, nous dire où tu es? On veut te choper ce matin. Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas envie de vous décrire où je suis. J'ai mieux comme indice. Il a autre chose comme indice. Il a mieux. Attends, et c'est quoi mieux? Mieux que de savoir où tu es? De voir une photo de moi. Oui, évidemment. Une photo? Ouais, mais si c'est pour faire une photo de dos, ça sert à rien. On a déjà eu ton truc avec la photo, on a vu tes pieds, super. Non, vous allez avoir une vraie photo de moi. Ah bien. Par contre, il faut arrêter d'exanax, un fugitif. Non mais sérieusement, une photo de toi, fugitif, une photo de toi, où on voit ta tête. Une photo de moi. Oui, ça sent l'entourloupe. Ça m'intéresse. On est preneurs. Oui. Vous allez tout voir. On va tout voir. Ah oui, on veut pas tout. Mets un slip, fugitif. Ah, parce que si dans le slip c'est comme la voix, ça doit pas être mal quand même. Fugitif Énergie, une photo de toi. Écoute, on est preneur. On est preneur de tout ce qui vient de toi, fugitif. On accepte, tu nous envoies ça quand? À 8h05, bien entendu. Ah bien. Ah bon, oui. D'ici une heure, on a la photo du fugitif, les gars. Et où? Où ça? Effectivement, depuis hier, je me balade dans la région du Hainaut. Ah, région du Hainaut depuis hier. Donc toujours ce matin, il se balade là-bas. J'y suis toujours. Ah ben voilà. Eh ben, on sait que c'est dans la région du Hainaut. Cindy a peut-être une nouvelle chance ce matin de pouvoir te croiser. La pauvre. Hashtag je suis Cindy. Hashtag je suis Cindy. Allez, fugitif. On ne change pas une équipe qui gagne. Salut, bonne journée. Oui. Bonne journée, fugitif. Allez, raccroche. Salut. Allez, c'est pour toi, on te la refait.

On vous y envoie pour un city trip, un petit week-end à deux, en amoureux ou alors avec un pote à qui vous voulez. Ouais, c'est vraiment avec la personne de votre choix. Peut-être aussi avec votre enfant, hein, pourquoi pas. Ouais, pourquoi un petit week-end à deux, tu vois. Ah oui, maman et fille. Ben voilà. Par exemple. Ou papa et fiston, ou papa et sa fille, ou maman et son fils. Hein, enfin, ou frère et soeur. Toutes les combinaisons possibles. Tout est possible. C'est pour deux personnes. City Trip à Barcelone. On vous offre ça aux alentours de 9h. Il suffit de vous inscrire. Vous envoyez TRIP, T-R-I-P par SMS au 78-6018. Le mot code TRIP, c'est 1€ le message. Envoyé et reçu. Et en effet, tout est possible. Portez avec qui vous voulez. Et c'est du City Trip à Barcelone ce matin. Donc inscrivez-vous parce que ça tombera aux alentours de 9h. C'est une certitude. Et ça sera peut-être vous, l'heureux ou l'heureuse élu. Donc inscrivez-vous. Ça va très vite. Un petit SMS, les copains. C'est rapide. Hein. Surtout pour gagner un City Trip. C'est clair, ça fait plaisir. Le change est pas mal. Trip par SMS au 78. Bonne chance. C'est le 6-9. Vous allez vivre un moment ultra privé et exclusif avec votre star énergie, Kenji. Ici, c'est Énergie. Énergie Live Session. Votre radio préférée vous invite dans les studios d'Énergie à Bruxelles. Découvrez les hits de son nouvel album en live et soyez parmi les 50 privilégiés à vivre cette expérience unique. Écoutez Énergie tout le temps et gagnez vos places pour ce concert exclusivement réservé aux auditeurs d'Énergie. Si la Terre se réchauffe encore, le niveau des mers va monter. Sérieux ? On ira en bateau à l'école ? Wow ! Oh zut, mes devoirs sont trempés! Heureusement, nous n'en arriverons pas là. En choisissant l'énergie verte du soleil et du vent, nous construisons avec Eneco un plus bel avenir. Maintenant, jusqu'à 200€ de réduction sur eneco.be. Dans un monde qui change, passez à la simplicité. Votre fille vous envoie une photo d'une robe trop canon et vous voulez lui en faire cadeau? Pas de souci. Utilisez Easy Banking App et faites-lui un virement en toute sécurité où que vous soyez. BNP Paribas Fortis. La banque d'un monde qui change. Chou, je t'ai acheté le dernier étage de la tour Eiffel. Ah ouais. Ah ouais, mais bon, on n'aura pas une vue sur la tour Eiffel du coup. Ah oui. Ah non, c'est nul ça. Ce mardi, jackpot incroyable de 138 millions d'euros. Jouez dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Euromillions, devenez scandaleusement riche. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Bah moi j'adore la viande blanche. Ah ça tombe bien, cette semaine c'est la foire au porc chez Intermarché. Avec des viandes 100% belges, découpées et préparées en magasin. Vous m'intéressez? Et à des prix KO, notre rôti de porc au carré des ossés par exemple, il est à moins 60%. À Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jour férié. À partir de maintenant, le nouveau Sprinter de Mercedes-Benz brille dans notre showroom et dans votre entreprise. Le nouveau Sprinter est la référence dans le domaine des utilitaires grâce aux services innovants de Mercedes Pro et à l'interface MBUX avec Voice Control. Hey, Mercedes ? Je vous écoute. Il est à combien ? Il y a déjà un nouveau Sprinter à partir de 20 990 euros. Découvrez-le dès maintenant chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz Vans. Vans, born to run. Carglass répare, Carglass remplace. Vous devez passer le contrôle technique. Et vous voyez cet éclat, là, dans votre pare-brise. À éviter un deuxième passage en le faisant réparer maintenant. Vous économiserez du temps et de l'argent. Appelez-nous gratuitement ou prenez rendez-vous sur carglass.be. 7h19, dans un instant sur Énergie, on va parler des noms de candidats aux élections parce qu'il y a des pépites. Mais on va pas parler de politique, on s'en fout totalement de la politique. On est apolitique de toute façon dans cette émission. Mais on va parler des noms des candidats, il y a des trucs vraiment, vous allez voir, c'est magnifique. Avancez un point sur les routes ce matin, Aurélie. Et ça bouchonne sur le 40, vous perdez 20 minutes entre Asseroad et Everberg. Je perds ma voix, c'est la cata. 28 minutes de perdu sur le 411 entre Rixensart et Dorghem sur le ring extérieur de la capitale. Ajoutez 17 minutes entre Genappe et La Hulpe. Et puis au sud du pays sur le 411, comptez une heure en plus entre Stockholm et la frontière avec le Luxembourg. Vous allez peut-être voter pour Jackie et Michel. On a des pépites de noms pour les élections. On vous donne ça dans un instant sur Énergie. Confident you never get declined. Man come off and beg you take time. Fonse and Steph London. Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah. Come on. Pero sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Calypso. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Un, deux, trois. Calypso. One, two, three. Calypso. Te daré. Calypso. Sur Énergie, bon début de journée avec nous, c'est le 6-9. On va pas parler de politique parce que ça va vite nous saouler. Et puis surtout que voilà, on n'a pas à parler de politique. Exactement. Mais par contre, on va quand même vous rappeler qu'il va falloir voter, les copains. C'est début octobre et il faut arrêter de se plaindre, de dire ah, il y en a marre, il faut voter. Voilà. Donc, c'est notre devoir, de citoyen. C'est une chance, même, j'ai envie de dire, hein, de, ouais, qu'on a de pouvoir voter. Donc il faut le faire. Les élections communales et régionales, c'est quand d'ailleurs, Aurélie? C'est au mois d'octobre, le 14. 2. 14 octobre. Le 14. Oui. J'ai reçu ma convocation hier. Ah oui, moi aussi. Moi, j'ai rien reçu. Avec plein de publicités. Ah, c'est scandaleux, par contre. Le nombre d'affiches et de. Ah, moi, j'ai perçu de pub, j'ai juste reçu ma convocation. Eh ben, allez-y, il faudra y aller le 14 octobre. Voter, c'est important, les amis. En attendant, on a quand même quelques pépites en Belgique. Au niveau des noms, je sais pas s'ils ont choisi. À mon avis, non, les pauvres, mais ils se retrouvent là à faire de la politique avec des noms assez incroyables. Est-ce que vous connaissez notamment Geoffrey Gouret? Geoffrey Gouret? Non. Salut, je me présente aux élections, je m'appelle Geoffrey Gouret. Je vous jure, avec moi, on va pas se planter. qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour. On a Jean-Marc Fleury. Ah, super ça. C'est mignon, c'est parti écolo, donc c'est. Jean-Marc Fleury. Ça arrive bien. Avec moi, ta commune, elle sera Fleury. Il y a Richard Carton. Pourquoi pas? Pour il va faire un carton, lui, aux élections. Oui, ça va cartonner. Il y a Antoine Détourné. Ah oui, voilà. Il faut avoir confiance. On a Valérie Lacroute, pourquoi pas. Oh, ça, c'est dégueulasse. Et si on se cachait une petite croûte. Mais c'est horrible ce mot, la croûte. Oui, moi je trouve aussi. Croûte, le mot croûte. Mais croûte, ça me dégoûte. Ah, pique, ouais. C'est un mot qui pique. Ah oui. On a Jonathan le Gentil. Lui, ça donne envie. Non, lui, c'est pour mieux te. Tu vois, Jonathan le Gentil. On a Éric Vilain. Ah oui, lui après, il est peut-être un peu plus honnête. Après Jonathan le Gentil, on a Éric Vilain. Voilà. C'est génial. C'est quoi. Génial. Il faut pas se fier aux noms quand même. Hein. Il faut pas noter parce qu'ils ont des chouettes ou des mauvais noms. Hein. Ah, et voter pour des idées quand même, c'est ça. Clairement. Moi je vais voter pour lui, il me plaît bien lui. Ouais. On a une pépite, vous l'avez forcément dû voir passer, Lucanus. Ah oui, c'est dans la région de l'Aube. Lucanus. Et, ouais. Et comment tu appelles ton fils Luc quand son nom de famille c'est Janus? Parce que à l'envers Luc, je vous laisse deviner ce que ça fait. Oui, hein. c'est un anagramme de. Oui, tout à fait. Ah, de, voilà. Non, mais s'il nous écoute, gros bisous à toi, on n'a rien. Ah, oui, c'est non, juste mais... un peu drôle. Quoi. C'est un constat. C'est, oui, un, voilà, constat, c'est juste tout un constat, simplement. On a Myriam Santune. Ministre des Affaires. Et ministre de l'Économie. Alors lui, c'est ma pépite. Je vous le dis, c'est ma pépite. Pour se présenter aux élections politiques. Il pouvait que faire ça dans sa vie avec un nom pareil. Gilles Baratin. Baratin. C'est magnifique. Bon, je l'ai dit ou pas celui-là? Il est magnifique. Michel Labitte. Voilà. Oui, et alors j'ai vu son slogan. Faites confiance à ma bite. Oui, c'est ma bite, pas la bite en plus. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Jonas Blue dans un instant. Il y a le jeu du botin qui arrive avec Jérémy aussi dans quelques minutes, c'est un de mes jeux préférés. On appelle des monsieur ou madame pour voir s'ils existent, c'est ça hein. Ouais, justement, avec des noms bizarres, puisque moi j'ai un nom un peu bizarre, c'est de la rue, on s'est moqué de moi. Est-ce que vous pensez que Madame Congélateur existe en Belgique? Excellent. Bon, là, on la laisse au frais et on fait ça dans un instant. Oh là là, la vanne, quoi. Elle était belle, non? Ouais, magique. Bah, moi j'aime beaucoup. Après Jonas Blue sur Énergie, bougez pas. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to. Get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever we're meant to be together, I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. Mama's mad, but I never cared. And babe, I don't regret it. I'm pretty sorry that you never met. But girl, I work on that. Even on me, you might as well get me gone. I'll meet you every night. In every dream, I find your love. That makes me smile. Whenever, wherever we're meant to be together, I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. Les offres 60e anniversaire, c'est aussi sur Crefel.be. Réservé en ligne, dispo une heure après en magasin. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. On va vérifier si madame ou monsieur congélateur existe dans un instant. Avant ça, 7h30, voici la météo ce matin. Un temps généralement sec, nuageux, avec quelques petites éclaircies par-ci, par-là. Côté température, entre 10 degrés en Haute-Fagne et 15 degrés partout ailleurs. 7h30, on s'informe. Voici l'actu de ce mardi 25 septembre avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour. Les syndicats des techs l'ont annoncé. Ils maintiennent leur préavis pour le 28 septembre, mais aussi pour le 2 octobre. Ils ont rencontré la direction hier pour limiter la participation syndicale aux manifestations interprofessionnelles. Mais aucun accord n'a été trouvé. Du coup, les actions sont maintenues. Ce vendredi, par exemple, de nombreux agents ont prévu de participer à la manif organisée à Bruxelles. Une manif contre les mesures gouvernementales qui touchent le personnel du secteur public. La Belgique se démarque dans la lutte contre la pauvreté. L'UNICEF lance une nouvelle initiative aujourd'hui, la Generation Unlimited. Son but est de permettre à tous les jeunes de 10 à 24 ans d'avoir accès à l'enseignement, la formation et l'emploi d'ici 2030. La Belgique a été choisie pour promouvoir ce programme. La Belgique, qui est considérée comme l'un des meilleurs élèves en matière de lutte contre l'extrême pauvreté. On passe au sport. La cérémonie des Best FIFA Football Awards a eu lieu hier soir. Thibaut Courtois a été élu gardien de l'année. Eden Hazard, qui a fini 7e dans la liste des meilleurs joueurs, a quant à lui été repris dans le 11 idéal, dans l'équipe de rêve de la FIFA. Il se retrouve aux côtés de Sergio Ramos, de Luka Modric, de le joueur de l'année, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Enfin, toujours en football, on débute ce soir les 16e de finale de la Coupe de Belgique à 20h. Eupen rencontre Tubize et Westland Beveren fait face à The Game à 20h30. Harelbeek affronte Courtrai. L'info énergie. 7h30, c'est le moment aussi pour une petite info énergie sympathique, bonne humeur. Ça donne quoi aujourd'hui? On parle de quoi? Eh bien, je vais vous parler de recherche scientifique. C'est tout simplement énorme. Un paraplégique a réussi à marcher. Grâce à une électrode implantée dans sa colonne vertébrale. Oh, c'est génial. C'est une bonne nouvelle. Ça a été réalisé aux États-Unis dans le Minnesota. C'est un partenariat avec une grande université américaine. Et donc l'homme a réussi à parcourir l'équivalent de la longueur d'un terrain de football. C'est génial. Terrible. C'est excellent. Il a quand même c'est au bout d'une année d'exercice et avec l'aide de cette électrode. Donc ça stimule électriquement tous les muscles, etc. Et il doit s'aider quand même pour marcher avec. Il a un déambulateur. Il a réussi à marcher, c'est énorme. C'est mieux que rien, quoi. Franchement, c'est ça, quoi. Grave, quoi. À ce moment où tu peux te déplacer même en déambulateur, c'est génial. Cette puce, cette électrode est placée à vie ou c'est que quand il a besoin de marcher? Non, c'est placé, c'est greffé. Ah, voilà, ça là, quoi. Donc, sur la colonne vertébrale, tu crois qu'ils vont ouvrir? Oh, tiens, là, aujourd'hui, j'en ai besoin, je vais ouvrir, je vais m'amettre. Bah, c'est génial, c'est une belle avancée. C'est une première au monde et on espère que ça va donner lieu à d'autres idées. Mais grave. Bah ouais, c'est génial. Du genre, quoi. C'est surtout que ça donne espoir pour ceux qui ne marchent plus. J'en connais qui du jour au lendemain sont devenus tétraplégiques. Et c'est une bonne nouvelle, ça, vraiment. Merci Aurélie. À tout à l'heure. À tout de suite, même on se dit bonjour. La météo avec Chaussures Manier Luxus. Alors, joyeux? Yes! Enfin, s'il fait beau, parce que s'il pleut, je vais encore salir mes chaussures. Cela dit, j'ai une paire pour la pluie, et le vent, et la neige. C'est le 6-9 sur Énergie. Le 6-9 sur Énergie. Ah, on l'adore, cette mamie Monique. À fond. Beau jingle. 7h34 sur Énergie, bonjour! Bonjour! Dans un instant, c'est le jeu du beau temps avec Jerem. C'est un jeu magnifique. On va savoir si Madame ou Monsieur Congélateur existe. C'est juste après Jonas Blue qu'on écoute maintenant. Et restez là, on va encore parler des noms improbables ce matin. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. We gonna rise till we fall. They think we just drop out, living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language. We're gonna ride till we fall. Yeah. instant, c'est Musti qui arrive sur Énergie. J'adore. Ah, ouais, très bon. Il fait des gros bisous. T'as été à l'école avec lui? Ouais. C'est vrai, c'est un mec de Bruxelles, il est génial. C'est ton pote, quoi. Musti, mon pote. Musti du Belge, on écoute ça dans un instant, 7h38. Comme tous les mardis à 7h38, eh ben, on fait le jeu du beau temps. Ah, j'aime beaucoup surtout le jingle. C'est moi aussi. Je dis beau temps. Je dis beau temps, ta ta ta ta. Avec Jérém. Avec Jérém. Avec Jérém, Rém, Rém, Rém, Rém. On rappelle le concept du jeu du beau temps, mon Jérém. Oui, alors c'est très simple. J'appelle des messieurs et des madames avec des noms de famille un peu bizarres, un petit peu hors du commun. Et vous me dites si ces gens existent, si je les ai eus au téléphone ou pas. Par tout exemple, simplement. Madame ou Monsieur Congélateur. Est-ce que j'ai eu Madame Congélateur au téléphone? Madame Congélateur, Non, quand même pas. Ça me paraît trop gros, en fait. Ouais. Ah ben, vérifions alors. Oui, allô? Je voulais juste parler à Madame Congélateur. Oui, c'est moi. De la part de... C'est Monsieur Frigo. Je suis juste en dessous, en fait. J'appelais juste pour savoir si vous alliez bien. Oui, je vais bien, merci. Oui. Je réfrigère bien, tout va bien. Tout va bien, pas trop froid? Non, on est habitué. Oui, j'imagine. Ah bah ça va, je vous laisse. Je vous en prie, une bonne journée. Oui, au revoir. Au revoir. C'est une blague. Madame Congélateur existe. C'est une blague. Bah vous l'avez entendu, non? Ben oui, mais incroyable. Moi je pensais justement que c'était la vanne avec Frigo, tu vois, on commence à te connaître, monsieur. Ah bah non. Excellent. Ah là, je vous jure, je suis choqué. Madame Congélateur. Ouais. Elle fait pas de politique, elle. Eh ben, bisous à elle. Oh la pauvre, maintenant tout le monde va aller dans le bottin pour chercher pour l'appeler. Eh, Madame Congélateur. Et c'est peut-être elle, la reine des neiges. T'imagines, t'aurais dû l'appeler Madame Congélateur, ouais. Libérée. J'y ai pas pensé. Je vais la rappeler. Est-ce que vous pensez que Madame Ouf existe? Ouf, ouf, comme le chien. Mais non. Si, ce serait dingue. Si. Soyons fifous, oui. Ah bah vérifions. Allô? Madame Ouf? Qui? Oui, c'est bien Madame Ouf au téléphone? Non, madame, vous êtes trompée. Ah, c'est qui au téléphone? C'est Madame Miaou. Ah, c'est Madame Miaou. Ah, je comprends toujours les chiens et les chats, moi. Allez, au revoir. C'est pas ouf, c'est Madame Miaou. C'est génial. C'est que plein de gens pensent que je suis une femme au téléphone. J'ai une voix de fille? Juste quand tu fais. Là, oui. Allez, Monsieur Leboeuf, on reste dans les animaux. Est-ce que Monsieur Leboeuf existe? Il y a eu un champion du monde français, Franck Leboeuf. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, vérifions si je l'ai eu au téléphone. Allô? Oui, c'est monsieur? Vous savez, puisque vous avez formé mon numéro. Ah oui, mais c'est monsieur, c'est pas madame. Non. Voilà. J'appelle. J'aimerais parler à Monsieur Leboeuf. Le veau, c'est pas le même animal. Voilà. Donc c'est monsieur? Le veau. Mmh. Oui, c'est de la part. Vous êtes qui? Monsieur Poulet. Ah oui, d'accord. Oui. Je venais voir si tout allait bien chez vous, dans votre ferme. Oui, mais bon, c'est une blague. Tout à fait. Ouais. Au revoir. Au revoir. Il a raccroché. Ah, excellent. Un petit bonus? Ah allez, oui. Mais oui, allez. C'est drôle. Je sais qu'on est mardi, mais est-ce que vous pensez que Monsieur Vendredi existe? Ouais, c'est probable. C'est le copain de Robinson, ça, Vendredi. Allez, vérifions. Allô? Oui, bonjour, je suis bien chez Monsieur Vendredi. Non, moi, c'est samedi. Ah, mince. Je me suis trompé de jour, alors. Ben oui. Ah ouais. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Un bon week-end, peut-être? Ça va, merci. Ah, oh, il y en a qui doivent vous envier, quand même, hein. Excellent. C'est le jeu du botin, j'adore. C'est magique avec Jérém, mais oui. C'est étonnant. Je dis botin. Je dis botin, ta, ta, ta, ta. Avec Jérém. Avec Jérém. Avec Jérém, Rém. Vous pouvez bien évidemment retrouver ça en podcast, en replay sur énergie.be. J'adore. Vraiment. Ah ouais, là j'ai été très surpris sur Madame Congélateur qui existe vraiment. Madame Miaou. Madame Miaou, c'est très drôle. Et moi j'aime beaucoup aussi le dernier, hein, Monsieur Vendredi. Ah non, c'est samedi. C'est magique, je vous jure. Voici Musti sur énergie, bienvenue. Will you stay with me, farm in motion? I try to plant a tree, but no reaction. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. Already in a grave, the game is over. The television stands in the corner. I'm a 21st century boy. I'm a 21st first century toy. Maybe too late. Still looking for a gun. The air is insane. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. A girl is passing by, maybe too shy. A boy is making a try, he's maybe too proud. Like a 21st century boy. Like a 21st century boy. On est là avec vous comme chaque matin. On prend le petit déj ensemble sur Énergie avec DJ Khaled et Justin Bieber. Ouais, nous on aimerait bien le prendre le petit déj. Hein. Il est à la bourre le petit déj. C'est vrai, il doit arriver, mais il est à la bourre. Dans un instant, DJ Khaled, Justin Bieber. Et ce matin, on parle avec vous des noms improbables qu'on connaît, puisqu'on a fait un petit point sur les élections hein, ouais. Qui sont le 14 octobre. On a vu qu'il y a quelques candidats qui ont des noms pépitas. Hein. Pépitas de la maninasse. Du coup, on a envie de parler de ça avec vous ce matin. Il y a forcément dans votre entourage des gens que vous connaissez avec un prénom et un nom drôle, tu vois, quand les deux vont ensemble, tout simplement le nom de famille très drôle. Vous nous dites ça par SMS 3018 ou alors vous appelez Tiffany ce matin, c'est gratuit. Mais oui. C'est gratuit tous les jours. Mais oui. Coûte pas cher, Tiffany. 0800 234 56, c'est le numéro du standard pour nous appeler si vous connaissez un nom ou un prénom improbable. Frisco, est-ce que tu connais quelqu'un, toi? Rapidement. Non. Comme ça, là. Alors, moi, je connais une famille, c'est pas une blague. Leur nom de famille, c'est Daniel. Et ils ont appelé leur fils Jack. Enfin, Jacques, mais ça fait Jacques Daniel. C'est magique. Oh là là. Je jure, c'est pas une blague. Alors, une soirée avec Jacques Daniel, avec modération. Moi, j'ai un truc plus ou moins comme ça. Je connais la famille Brand et un des garçons, il s'appelle Mike. Mais non, Mike Brand. Oui. Oui. C'est ma prière. C'est génial. On doit lui faire tout le temps. Ça ah oui. Vous connaissez forcément quelqu'un dans votre entourage qui a un nom improbable ou un prénom improbable. Vous nous appelez ce matin 0800 234 56 ou alors le 3018 par SMS. Vous nous envoyez ça. T'as rien, mon Frisco, vraiment. Si, pardon. Il y a Henri et son nom de famille c'est Play. Henri Play. C'est un pote à mon frère. Et vous pouvez retrouver Henri Play sur énergie.be. C'est génial, j'adore. Moi je connaissais un Denis. Denis Sacavin. Denis quoi? Sacavin. Sac à vin, quoi. Ah oui. Il aimait bien la bibine. On en parle avec vous. Envoyez-nous tout ça 3018 par SMS. Vous nous appelez 0800 234 56. On en parle avec vous juste après. Vous avez bien regardé autour de vous. Aujourd'hui, il est peut-être là, juste à côté de vous. Le fugitif énergie. Il vous offre la somme incroyable de 20 000 euros. Rendez-vous sur énergie.be pour toutes les infos. Et tous les matins à 6h05, 7h05 et 8h05, le 6-9 sur Énergie vous donne des indices pour le découvrir. Le fugitif énergie, partout en Belgique. Vous le trouvez, vous gagnez 20 000 euros. Et du lundi au vendredi à 17h15, un indice exclusif vous attend sur goldenpalace.be/le-fugitif-énergie. Golden Palace, nous prenons le jeu très au sérieux.

Dans un instant, c'est Aya Nakamura qui va arriver sur Energy. 7h52, on parle avec vous des noms improbables qu'on connaît. On a forcément quelqu'un dans notre entourage, des amis, ouais, des proches, des gens qu'on connaît de vue, qui ont des noms improbables. On en parle avec vous, 3018 par SMS, via le standard aussi, 0800 234 56. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu pas mal quand même, faut pas se mentir. On a eu pas mal de trucs, hein. On a eu une Bérengère du Hainaut. Excellent. C'est génial. Son nom de famille, Duhesneau. Duhesneau. Tu viens d'où? Duhesneau. Sauf qu'elle habite pas du tout dans le Hainaut. C'est magnifique. Ah non, on n'a pas. Excellent. Bérengère du Brabant Wallon. On a quelqu'un aussi au standard. C'est. Il n'a pas de prénom, j'ai juste Sarkozy. Allô, Nicolas? Monsieur le Président? Président, allô? Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, c'est comment ton prénom? Sarkozy. C'est ton nom de famille? C'est ton nom de famille à toi? Mon nom de famille, ouais. C'est génial. Ah, excellent. Et quand tu réserves un resto, t'as plus facile à l'avoir? Ben, forcément pas. c'est la fête du monde avec un nom pareil. Les gens, ils me raccrochent au nez, c'est systématique. Mais non, oh, ça doit être dur. J'allais leur expliquer systématiquement que c'est mon vrai nom. Que. Voilà. Ah, est-ce qu'il. Ils pensent que c'est une blague à chaque fois, quoi. Oui, c'est à chaque fois pareil. Moi maintenant je dis je m'appelle Monsieur Martin et puis quand j'ai utilisé une carte de crédit ou quelque chose, ben, je leur dis mon vrai nom c'est Sarkozy et puis le numéro de la carte de crédit, voilà, mais sinon personne ne me croit. C'est énorme. C'est génial. Ah bah écoute. Oh le pauvre. Ouais grave. On te souhaite une belle journée en tout cas Nico et tu passeras un bisou à Clara du coup. Hein. Voilà. J'y manquerai pas. C'est quelqu'un qui m'a dit. Que... Non mais c'est vrai, hey, courage. Mais je crois qu'on peut faire changer le nom, hein. Faut se renseigner, ouais. Parce que c'est vrai que ça doit être chiant. Quoi. Et ça coûte moins cher. Mais moi je le vis bien, y'a pas de souci avec ça, mais. Mais tu manges mal au restaurant. Mais... Ouais c'est ça. Voilà, j'y vais plus. Ah, merci d'être passé ce matin, on t'embrasse. Bonne journée à toi. Bonne journée également. Salut Sarkozy, c'est génial. Y a Denis aussi qui est avec nous ce matin. Bonjour Denis. Bonjour. Salut Denis, quel est le nom improbable que tu connais? Alors moi je connais une pauvre fille qui s'appelle Virginie Cucu. Oh. Virginie Cucu, c'est mignon Virginie encore. Cucu. Ouais, voilà. C'est donc, mignon. Bah, la pauvre fille, elle doit le porter toute sa vie, quoi. Bon, mais c'est mignon. Oui. Moi, à sa place, je mettrais des serre-têtes, je m'habillerais, tu vois, en cucu, quoi. Et j'irais habiter dans le Brabant Wallon. Tu sais que chez Jérém. Bah non, elle n'est pas du tout dans le Brabant Wallon, donc voilà. Dans le même style, on a reçu un SMS au 3018, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Clitorine. Oh, ça c'est dur. Difficile aussi. Ça c'est très difficile, On devrait peut-être les mettre en relation. Sûrement se connaître. Elles habitent l'une à côté de l'autre. On te souhaite une belle journée, Denis. Merci d'être passé ce matin. À bientôt. Bisous. Il y a Nicole Paldois. On nous a envoyé par SMS au 3018. C'est magnifique. Il y a un monsieur Bleureau. Mais tout le monde me disait Bleureau. Ah, et Bleureau, ça joue pas beaucoup. Il y en a un, je vous jure. Georges Profonde. Non. Faut pas ricocher. Hein. Ah, horreur. Il y a Alain Poster. Ouais, bah ça c'est classique. Aya Nakamura qu'on écoute maintenant, ça aussi c'est bizarre. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. Pas ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air, crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. Pas ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. katana, baby, tu t'es ça. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. Tu pas ta katana, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu t'es ça. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. Tu pas ta katana, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu t'es ça. Oh, dja, dja. Tu pas ta katana, dja, dja, non. Y'a pas moyen, dja, dja, ouais. En katana, baby, tu t'es ça. Oh, dja, dja. Tu pas ta katana, dja, dja, non. Y'a pas moyen, dja, dja, ouais. En katana, baby, tu t'es ça. Dans mes doigts. En katana, baby, tu t'es ça. En katana, baby. En katana, baby, tu t'es ça. En katana, baby. 8h05, un nouveau rendez-vous avec le Fugitif Énergie. Une nouvelle chance pour vous peut-être de gagner 20 000 euros ce matin. Restez là, on en parle dans un instant. Et Jane, qui sera avec nous d'ailleurs vendredi, sera notre invitée pour l'émission publique. Jane, qu'on écoute juste après sur Énergie. Sophia, tu gestes. Thinking maybe that you were always a piece of shh. You rub in your dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on. Talking and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Mm-hmm. Wanna turn it on? Réservez vos places de concert online pour votre groupe préféré, ça vous prendra bien 5 minutes. Mon mot de passe, quel mot de passe? Chou! Savoir si vous pouvez payer votre assurance auto moins cher ne vous prendra dès maintenant que 5 minutes. Faites le test sur touringassurance.be. L'assurance auto est un produit de Touring Assurance SA. Limite et conditions sur touringassurance.be. Il est 8h sur Énergie, bienvenue. Notre petit déj est arrivé. And you're listening to Énergie. L'interdit, l'interdit, l'interdit. Osez le frisson de l'interdit. Le nouveau parfum. Givenchy. À 8h05, on fait un point sur le Fugitif Énergie. J'aime bien, il y a Aurélie et moi, on relook le petit déj. Arrêtez d'y toucher. Voici la météo. T'as vu, il y a Frisco, il a tout pris. Mais arrête, Frisco. Non, mais... Laisse-en pour les autres. Mais j'ai pas tout pris, je déballe. Ouais. C'est comme un cadeau. T'as craché dessus. Et touche pas avec vos mains pas propres. La météo pour aujourd'hui, Aurélie. Alors, le temps sera généralement sec. Aujourd'hui, pas mal de nuages, quelques éclaircies entre 10 et 15 degrés. L'actu de ce mardi 25 septembre, c'est Aurélie Adam pour nous informer. Bonjour Aurélie. Bonjour, le trafic des techs sera perturbé les 28 septembre et 2 octobre. Les syndicats ont décidé de maintenir leur préavis. Leur réunion avec la direction n'a rien donné hier. Les deux parties ont parlé d'une limitation de la participation syndicale aux manifestations interprofessionnelles. Mais sans accord, toutes les actions sont maintenues. Vendredi, de nombreux agents vont participer à la manif contre les mesures gouvernementales qui touchent touche le secteur public. Une manif qui aura lieu à Bruxelles. En sport, la cérémonie des Best FIFA Football Awards a eu lieu hier soir à Londres. Et le gardien de l'année, eh bien, c'est... Thibaut Courtois. C'est bien Thibaut Courtois qui a été désigné gardien de l'année. C'est là que c'est dehors. Eden Hazard qui a fini quand même 7e dans la liste des meilleurs joueurs devant Kevin De Bruyne. Eh bien, lui, il a été repris dans le 11 idéal, dans l'équipe de rêve de la FIFA. Il se trouve aux côtés de Sergio Ramos, Luka Modric, le joueur de l'année, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Et enfin, toujours en football, on débute ce soir les 16e de finale de la Coupe de Belgique à 20h. Eupen rencontre Tubize et Westland Beveren fait face à Is The Game. Et puis une demi-heure plus tard, à 20h30, Harelbeek joue contre Courtrai. La météo avec Chaussures Manié Luxus. Alors, joyeux ? Yes ! Enfin, s'il fait beau, parce que s'il pleut, je vais encore salir mes chaussures. Cela dit, j'ai une paire pour la pluie, et le vent, et la neige. Le 25 septembre, soyez les bienvenus sur Énergie 8h04. Bonjour ! Bonjour ! Ah, quelle bonne nouvelle ce matin, on nous a offert le petit déjeuner. Oui. On tient à remercier Golden Palace. Qui a laissé un bon petit mot. Hein. Ah, vas-y, lis le petit mot, tiens, rapidement. Alors, hello Tiffany, Aurélie, Marco, Jérém et Frisco. En attendant que nos auditeurs retrouvent le fugitif, on voulait vous remercier pour votre émission qui nous met de bonne humeur et qui nous aide à nous lever du bon pied. Bah, merci, ça. Ce jeu nous rend complètement dingue. Nous aussi. Mais on s'est rarement autant marré. Courage à ceux qui traquent l'homme le plus recherché de Belgique et au fugitif lui-même. Une super belle journée à tous, l'équipe marketing de Golden Palace, pardon, Casino et Sport. Ben merci Golden Palace. Ah bah merci. Ah ouais. Eh hey, fugitif, t'as pas ton petit déj? Nous on l'a. On va d'ailleurs se connecter avec le fugitif Énergie, ça sera à 8h05 dans quelques minutes. Oui, je sais, il est bientôt 8h05. Ça sera juste après Jane. Je vous annonce la bonne nouvelle, Jane sera notre invitée ce vendredi. Ouais. Vendredi, on fait une émission en public. Ça va être génial. Il y aura plein de surprises, des cadeaux pour vous. Et Jane qui sera donc notre invitée vendredi. Si vous voulez venir dans le public, c'est très simple. Allez vous inscrire énergie.be et vous venez avec qui vous voulez. Ouais, avec des potes. Ouais. Traînez pas parce qu'il y a déjà du monde et ouais. Voilà. On est bientôt full. On ferme bientôt la boutique. Donc voilà. Jane sera notre invitée. On l'écoute maintenant. Allez vous inscrire énergie.be pour être dans le public vendredi avec nous pour cette émission de dingue. To look down at you. Things gonna be on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be Imagine Dragons, c'est Kaigo, c'est dans un instant sur Energy. Le fugitif énergie, vous le trouvez, vous gagnez la somme incroyable de 20 000 euros. Vous êtes des milliers à sa recherche partout en Belgique, vous ne le connaissez pas. Et pourtant, vous allez devoir le trouver pour gagner cette somme de dingue, 20 000 euros. C'est ce qu'on vous offre, le fugitif énergie, avec les salles de jeu Golden Palace. Ça va peut-être tomber ce matin, il vous reste encore une heure pour le trouver. Le fugitif énergie, 6h05, 7h05, 8h05, il doit publier. Ouais, il a posté. Ou donner des indices. Il a posté ? Ouais, il a posté. Alors, général ! Alors, il avait dit qu'il mettrait une photo de lui à 8h05. Qu'est-ce qu'il nous a fait, gros malin ? Parce que je me doute bien qu'il n'a pas mis sa tête. Il a dit suivez le lien, donc on clique sur le lien, on arrive sur la page énergie, enfin sur énergie.be, ouais, le site web, ouais. Avec indice du jour, voici une photo du fugitif quand il était petit. Eh ben, il est petit. Super. Ah merci. Super. Bravo. Tu nous prends pas pour des. Avec un bonnet et des lunettes, non mais grand. Attends, je vais voir. J'ai pas vu. Le mec, il est au ski, mec. Comment tu veux reconnaître un bébé au ski? Tout le monde se ressemble. Attends, il y a le reflet dans les lunettes. On va peut-être voir. Le père. Je connais son père. Oh là là, ça me rend fou ce jeu, je vous le dis. Allez voir ça ce matin, energy.be. On a mis une photo, enfin le fugitif a mis une photo de lui, mais étant petit, au ski, avec 4 kilos de combinaison, un bonnet et des lunettes. Donc, très, très beau manteau, fugitif, en tout cas quand on était petit. Hein. T'étais joufflu, fugitif, hein, quand même, quand t'étais petit. Hein, on a envie de faire. Entre 70 et 85 kilos, là, tu. Hein ouais, tu mangeais bien quand t'étais petit. Hein. Ça y est, Frisco se lâche, il peut se venger. Le mec, il a un problème avec le fugitif. Ouais, c'est génial. Cherche pas les embrouilles, je sais pas à quoi il ressemble aujourd'hui quand même. Ouais. C'est bien, mais moi, ça me dit rien. Vraiment, je. Oh là là. Je vois pas du tout qui c'est, quoi. Je connais pas. Ça me rend dingue. Ouais. Je vous jure, ça me rend dingue. Bon, ben voilà, belle journée. Voilà. Allez, belle journée. Voilà, tout ce qu'on savait de lui ce matin, c'est qu'il était dans la région du Hainaut encore aujourd'hui. À mon avis, il doit être, je sais pas moi, près de Tournai, c'est ça ? Tournai, Mons, ouais, je pense bien. C'est fort probable en tout cas. Si les vous gars, le voyez. C'est la journée du bonheur. Dites bonjour à tout le monde, demandez-leur. De toute façon, ça vous coûte quoi ? Au pire, ça vous gagne. Oui, c'est vrai. Oui, au pire, vous gagnez de 20 000 euros quand même. Hein. Oui, je sais pas. Voilà. Bonjour, vous êtes fugitif énergie ? Non, bah, je suis proctologue, mais. ça peut arriver, mais c'est pas grave. Il faut poser la question à tout le monde, vraiment. Qui que vous croisez en ce moment, vous leur posez la question : êtes-vous le fugitif énergie ? Si la personne vous répond oui, 20 000 euros cash. C'est ça le fugitif énergie. Pas mal, non ? Top. Le fugitif énergie, partout en Belgique. Vous le trouvez, vous gagnez. 20 000 euros. 20 000 euros. I know I've given up 100 times before, but I know a miracle is not something to ignore. You take me for a fool. You take me for a fool. I never knew anybody. Bonne journée avec Energy. Dans un instant, 5 Seconds of Summer, c'est ce qu'on va vous mettre côté hit sur Energy. Ouais. Qui veut gagner du cadeau ce matin? Et justement, du cadeau, est-ce que vous voulez en gagner maintenant? Maintenant, tout de suite. Même pas la peine d'attendre. Maintenant. On vous offre un city trip à Barcelone pour aller voir cette magnifique ville. Wow. La Sagrada Familia. Ouais. Il y a beaucoup de choses à voir à Barcelone. Il y a de quoi bien manger, passer parc un super Güell. Séjour. Parc Güell. C'est quoi ça? Le parc Güell. Tu connais pas? Non. C'est la fameuse photo que tu nous as montrée. C'est le parc avec tous les mosaïques. Ah oui, oui, oui. Ok, pardon. C'est magnifique. Magnifique, ouais. C'est vrai. Il faut rester au moins 3-4 heures dans le parc. Il y a, ouais. il y a des baraques là-bas, je vous jure. L'architecture est magnifique, Barcelone. Vous allez c'est, que kiffer. Ouais, vraiment, cool. Croyez-nous, vous allez vraiment adorer. Et pour ça, bah, il faut vous inscrire, les copains, puisqu'on prendra un gagnant d'ici une petite heure, à peine, avant 9 heures. Ça peut être vous. Il suffit de vous inscrire, vous envoyez TRIP, T-R-I-P, par SMS au 78, TRIP au 6018. C'est 1€ le message envoyé et reçu. On vous souhaite bonne chance et j'espère vous avoir au téléphone aux alentours de 9h pour vous annoncer la bonne nouvelle. City TRIP Barcelone pour deux personnes, c'est peut-être pour vous. TRIP au 78, bonne chance. C'est le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. But I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Énergie. It's music only. Vous voyez ces journées où tout va comme sur des roulettes? Vous êtes efficace, concentré sur la même longueur d'onde que vos clients, hein? Tac, tac, tac. Bah oui, c'est votre boulot, votre passion. Et c'est ça qui vous donne de l'énergie. Mais à un moment, bah vous vous rendez compte que vous savez pas tout faire vous-même. C'est pourquoi Proximus Business vous propose BizOnline, votre site internet créé, géré et référencé avec l'aide d'un expert Proximus. À chacun son boulot. Plus d'infos sur proximus.be/bizonline. Vendez vite, achetez mieux. Tous nos magasins sur cashconverters.be. Le SUV Opel Crossland X. Déjà à partir de 249€ par mois, entretien, taxes et assurances inclus. Vous n'avez plus qu'à faire le plein. Offre sous condition. Auto-yoga avec Corona Direct Assurance. Direct. Posez l'index sur votre tempe et tapotez-la 3 fois. Voilà, c'est la posture. Eh, faudrait être dingue pour continuer à payer si cher mon assurance auto. Et oui, si vous conduisez moins de 25 000 km par an, vous pouvez économiser jusqu'à 50% grâce à l'assurance auto au kilomètre. Pour plus d'infos et calculer votre bénéfice, rendez-vous sur coronadirect.be. Corona Direct Assurance. Directement assuré, directement rassuré. Direct. Jusqu'au 7 octobre chez Planète Parfum, échangez un flacon vide de parfum contre 20% de remise sur un parfum au choix. Planète Parfum, fan de beauté. On joue à qui veut gagner du cadeau dans un instant sur Énergie. Il y a 5 Seconds of Summer qui va arriver. Un point avant ça sur les routes ce matin, Aurélie. Eh bien, il y a un accident. Elle est bonne la cook, hein. Ah ouais. Accident sur le 42 hauteur de Boisden en direction de Namur. La chaussée est partiellement bloquée. Il y a des fils. Attention, sur le 42, il y a du brouillard à hauteur de Chapelle-Herlaimont en direction de Namur. La situation est dangereuse. Et puis, pas mal de ralentissements aussi en direction de Bruxelles. Sur le 40, vous perdez 35 minutes entre Asserode et Woluwe-Saint-Étienne. Sur le 411, comptez 32 minutes en plus entre Overijse et Auderghem. Sur le ring extérieur, ça bloque entre Mont-Saint-Jean et Oullart. Vous perdez 40 minutes. Et puis, au sud du pays, sur le 411, comptez 1 heure en plus entre Stockholm et le Luxembourg. Surrender my everything, 'cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You're pushing, I'm pulling away from you. Giving you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. Lady of that, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it. All of the time, yeah. one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. Sur énergie, Beyoncé qui arrive dans un instant. Avec Hello. Hello. Oh, j'adore. Hello. Hello. My name is Brian. This is the kitchen. The kitchen. Avant ça, à 8h19, 8h20 même quasi, nous allons jouer à qui veut gagner du cadeau. Qui vient jouer avec nous ce matin, Tiffany? C'est Jérémy qui travaille comme journaliste. Il a un petit garçon qui s'appelle Noah. Et alors, il est en attente d'une petite fille pour décembre. Il aime le sport en général, mais principalement le football et le tennis. Et puis, il regarde les émissions de sport comme La Tribune, ce qui ne plaît pas toujours à sa femme. On dirait un petit peu moi, en fait. Oui, bonjour, en plus, il s'appelle Jérémy. Salut à toi, bonjour. Jérémy. Salut l'équipe. Salut. Ça va bien? Très bien, et vous, vous allez bien? Oui, oui, très très bien. Jérémy, sois le bienvenu, nous allons jouer ce matin à qui veut gagner du cadeau. Le concept de qui veut gagner du cadeau, il est assez simple. C'est comme qui veut gagner du million, sauf que comme on n'a pas de million, eh ben, on t'offre du cadeau. Et on n'a pas Jean-Pierre Foucault. On a une pâle copie. Bonjour à tous, bonjour Jérémy, bienvenue, qui veut gagner du cadeau. C'est magique, c'est magique. C'est 5 questions que j'ai pour toi, Jérémy, et le but est d'en avoir 3. 3 bonnes réponses et on a du cadeau pour toi ce matin, ok? Super. Voici la première question. Quel nom donne-t-on à un sandwich de viande grillée cuite à la broche? Est-ce que c'est du kenan, du kelal, du kebab ou du ketat? La réponse est le kebab. La réponse est le kebab et... C'est une bonne réponse. Moi, je savais ça. Ou pas ça. Est-ce que c'est étonnant? Deuxième question. En football, l'arbitre siffle un pénalty quand une faute est commise dans la surface de... Séparation, trépidation, réparation ou préparation? Encore la réponse, c'est réparation. Réparation. Et c'est une bonne réponse. Eh ben, je vous le promets. Le jeu, il nous prend pour des teubés ou comment? Je te jure que j'allais dire, il a fait une connerie, notre stagiaire, en préparant le truc, c'est que j'allais dire, mais c'est la surface de séparation. Bah non. Ah non, c'est de réparation. Ben oui. Ben il a pas fait de connerie. Eh ben oui, bah moi je me serais planté. Moi, ben, toi, ben, mais c'est pas de lui. Mais bien, oui, non, bien vu. Pourquoi tu remets la faute sur le stagiaire? C'est toi, mec, t'es nul. C'est bien, Jérémy. 2 bonnes réponses. On continue. Quel est l'autre nom du globule blanc? Est-ce que c'est la gommette, l'ostéoblaste, leucocyte ou hématis? Je veux dire réponse C, leucocyte, sans certitude. Leucocyte, nous dit Jérém, est-ce que c'est ton dernier mot? Mon dernier mot. Et je sais plus où est le truc du dernier mot. Ah, il est là. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. Hein. Bah, c'est la musique du dernier mot. C'est la musique. Si c'est leucocyte, c'est gagné ce matin, Jérémy. Bah, bravo. Et la bonne réponse... Je vérifie quand même, je vérifie quand même. Eh bien, c'est leucocyte. Ah ouais. Ben oui, c'est gagné. Mais... Ah bah là, il m'impressionne parce que je ne savais pas du tout répondre. J'ai juste envie qu'on se fasse celle-ci pour le plaisir. Okay. Même si c'est déjà gagné, c'est pour notre kiff personnel. Pour les gens qui nous écoutent, peut-être. Exactement, et pour vous aussi. Qui est le dieu de la guerre et de la destruction? Bah là-bas. Est-ce que c'est Hermès? Qui a fait ça? C'est Tiffany. C'est moi, je voulais mettre une petite ambiance. Mais ouais, tu vas mettre 5 euros dans la cagnotte, surtout. T'as rien mis comme ambiance, t'as juste mis la honte, c'est tout ce que t'as mis. Je répète ta question. Qui est le dieu de la guerre et de la destruction? Est-ce que c'est Hermès? Est-ce que c'est Arès? Est-ce que c'est Héphaïstos? Ou est-ce que c'est Zeus? Hermès, c'est un parfum. Moi, je vais dire Zeus. Tu dis Zeus? Eh bien, heureusement que t'avais gagné avant. Ouais, parce que c'est pas Zeus. Ah, donne pas la bonne réponse. Peut-être que dans la voiture, les fifous ont la réponse. Eh ben, si vous pensez avoir la bonne réponse ce matin à cette question, qui est le dieu de la guerre et de la destruction? Pensez avoir la bonne réponse ce matin. Je vous répète les propositions. Il y a Hermès, il y a Arès, il y a Héphaïstos, il y a Zeus aussi. On sait que c'est pas Zeus déjà. Pensez avoir la bonne réponse, vous envoyez la réponse tout simplement par SMS au 3018, vous envoyez je plus la bonne réponse au 78, pardon. Je plus la bonne réponse au 6018, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Elle est pas facile. Hein. Et je vous donnerai la réponse juste après Beyoncé. En attendant, Jérémy, tu as gagné ce matin. Bravo, bravo. Merci. Cadeau pour toi, on te laisse choisir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir entre l'enceinte Bluetooth, on a 4 places de ciné ou la dernière compil énergie? Je vais prendre l'enceinte Bluetooth. Eh ben l'enceinte Bluetooth, c'est pour chez toi. Moi, Jérémy, on te souhaite une belle journée avec énergie. Merci à vous aussi, belle journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir les fifous. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking, I ain't never gonna shut you out. Sur Énergie, merci d'être là ce matin. On vous a posé une question il y a quelques instants. On joue à qui veut gagner du cadeau avec Jérémy. Il n'a pas eu la bonne réponse, du coup on vous l'a donné. On avait demandé quel est le dieu de la guerre et de la destruction. Il y avait le choix entre Hermès, Arès, Héphaïstos et Zeus. La bonne réponse était Arès. Voilà, comme ça vous savez pour la culture générale. Qui a gagné, Tiffany? C'est Ludivine de Liège. Ah bien. Oui, donc on va lui envoyer une petite compile énergie. C'est génial, ne bouge pas. Je veux juste faire une photo de toi parce qu'elle a mis le casque du standard avec le casque de la radio. La nana, elle a une antenne derrière. Elle a cru qu'elle avait une araignée sur elle. Marco, elle est flippe. Si, regarde juste derrière elle. Arrête, c'est pas drôle. Elle est magique. Je vous jure. J'adore. Alvaro Soler qui arrive dans un instant. Restez avec nous. Il y a l'écran de Camille. Camille que vous retrouvez tous les jours entre 4h et 6h, elle vient avec nous, c'est l'écran de Camille. On va parler de danse avec les stars notamment. J'adore. Ça sera dans un petit instant sur Énergie. À tout de suite. second first time, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. Time should have taught me the lesson. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. La météo avec Chaussures Manier Luxus. Alors, joyeux ? Yes ! Enfin, s'il fait beau, parce que s'il pleut, je vais encore salir mes chaussures. Cela dit, j'ai une paire pour la pluie, et le vent, et la neige. Dans un instant, l'écran de Camille sur Énergie, on va parler de danse avec les stars, Dals. Avant ça, là, voici la météo. Et aujourd'hui, le temps restera généralement sec. On aura des nuages, quelques petites éclaircies, côté température entre 10 degrés en Haute-Fagne et 15 degrés partout ailleurs. 8h30, voici l'actu de ce mardi 25 septembre avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour, c'est confirmé. Le trafic des techs sera perturbé les 28 septembre et 2 octobre prochains. Hier, les syndicats ont rencontré la direction. Une réunion à propos d'une éventuelle limitation de la participation syndicale aux manifestations interprofessionnelles. Aucun accord n'a été trouvé. Du coup, toutes les actions sont maintenues. Vendredi, de nombreux agents ont prévu de participer à la manif contre les mesures gouvernementales qui touchent actuellement le secteur public. Une manifestation qui aura lieu à Bruxelles. L'UNICEF lance une nouvelle initiative aujourd'hui, la Generation Unlimited. Le but est de permettre à tous les jeunes de 10 à 24 ans d'avoir accès à un enseignement de qualité, à la formation et à l'emploi d'ici 2030. La Belgique a été choisie pour promouvoir ce programme. La Belgique qui est considérée comme l'un des meilleurs élèves en matière de lutte contre l'extrême pauvreté. En sport, la cérémonie des Best FIFA Football Awards a eu lieu hier soir. Ouais. Thibaut Courtois a été élu gardien de l'année. Eden Hazard, lui, il a fini 7e dans la liste des meilleurs joueurs. Il a été repris dans le 11 idéal. Il se retrouve aux côtés de Sergio Ramos, de Luka Modric, le joueur de l'année, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Et enfin, on est très foot en ce moment. On débute ce soir les 16e de finale de la Coupe de Belgique à 20h. Eupen rencontre Tubize et Westland Beveren fait face à Is The Game. Et puis à 20h30, Harelbeek affronte Courtrai. Des milliers de gift cards de 60 euros à gagner. C'est ça aussi les offres 60e anniversaire. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Conditions sur krefel.be. La Belgique, c'est l'atomium, le Manneken Pis, le chocolat, la frite, la fricadelle. Et le 6-9 sur Énergie. Ah, tu vois, ça, Richard, je l'aurais plutôt mis avec la pluie, les embouteillages, le gouvernement, ces choses-là, quoi. Ah bah oui, on Bonjour. 8h33 sur Énergie, merci d'être là. On est là comme chaque matin. Alvaro Soler qui va arriver dans un instant et toute l'équipe est là. Il y a mon Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour mon Marco. Il y a Tiffany au standard. Bonjour tout le monde. Il y a Jérém qui est là aussi. Bonjour. Qui ouvre un paquet. On reçoit des paquets ce matin. Depuis ce matin, tout le monde nous offre des paquets. Oh, c'est des gaufres. Je vois le logo derrière. Eh les gars, on va faire 20. On va faire... 150 kilos à la fin de la saison. C'est pas des gaufres, c'est des préservatifs. Mais il y avait une gaufre. Tout ça. Bah tu peux la manger si tu veux celle-là, Frisco. C'est gougaufre. Yeah, c'est gougaufre. Il y a Aurélie Darédac avec nous aussi ce matin. Bonjour. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Dans un petit instant, restez là puisque c'est l'écran de Camille. Camille qui est déjà dans le studio. Ça va ma Camille? Ça va très bien et vous? Bah oui, elle a mis sa veste à paillettes. Ouais, en t-shirt. Ah, t-shirt à paillettes. Ouais. On va parler. C'est beau. Ouais, regarde. La meuf. Ça change de couleur. Ouais, mais wow. Je vais pas toucher. Non, non, mais... c'est moi qui. Il y a que moi qui peux toucher. On va parler d'Als, Danse avec les stars. Je te verrai bien sur le parquet de Danse avec les stars. Ouais. Eh ben, j'aurais dit pareil pour toi. Ouais. Voilà. On va faire un duo. Cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón. Como en una novela, en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, si travesito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando. Sur Énergie, bonne matinée avec nous. Amir, dans un instant, le lover, le Ed Sheeran à la française. Je voudrais que ça dure 100 ans. J'adore. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. On va rêver tous les deux. Hein, Camille, sur le parquet. Je sais pas pourquoi je l'attendais. 8h37, comme tous les mardis, c'est le rendez-vous avec l'écran de Camille. Elle vient nous parler de la télé, elle vient nous parler de cinéma et d'un peu de tout ce qui concerne les écrans, en fait, tout simplement. C'est ça. On va parler de Danse avec les stars aujourd'hui, Camille. Et ben oui, parce que ça commence samedi soir, hein, vous allez bouger votre derrière sur la salsa. Oh oui. Rien que ce générique donne envie de danser. Ouais, ah, ouais, grave. Sur une salsa endiablée, Marco et Camille. Ah, tu m'étonnes, ça va être endiablé. Ça va être endiablé. Ouais. Ce sera donc samedi soir le lancement sur TF1. C'est déjà la 9e saison. Ouais, déjà, ça remporte toujours autant de succès d'ailleurs en télé, mais pas seulement, hein, parce que le programme a aussi permis d'avoir un regain d'intérêt pour la danse. C'est ce que pense Denitsa Ikonomova, que j'ai rencontrée au Festival de la télévision de Monte Carlo. Pour rappel, c'est une des danseuses phares de l'émission. Avec qui est-ce qu'elle a gagné l'émission, vous vous souvenez? Avec Loïc Noté. Ah, c'est bien, elle a gagné 3 fois en tout, dont avec Loïc Noté. Donc elle nous explique ce regard d'intérêt pour la danse. Pour ça, on remercie cette émission-là parce que ça a popularisé la danse sportive. Et c'est vrai que les gens, ils trouvent plus ça ringard comme auparavant. C'est pas juste les papis et les mamies qui dansent ça pendant les mariages. Maintenant, on leur a prouvé que cette danse-là, elle est très moderne et qu'on peut danser sur des chansons actuelles. Et ça nous fait extrêmement plaisir parce que pour nous, c'est notre passion. Alors du coup, de pouvoir populariser et partager encore plus ce qu'on sait faire et nos connaissances, c'est vrai que c'est une opportunité énorme. Vous êtes méchant, vous moquez. Moi j'adore son accent par contre. Mais oui, elle est très très sexy, non? Mais elle est très jolie. Ça a fait craquer Ryan Bensetti, hein. Bah ouais, ils sont un peu ouais, ça n'a jamais été officialisé, mais tout le monde se doute bien que et tout le monde le sait surtout. Oui, c'est ça. Ils ont pas fait que de la salsa. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que les participants sont pas spécialement connus, hein. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure si on a le temps. En fait, finalement, les danseurs sont limite plus connus que les candidats, finalement. Ce sont eux les vraies stars de l'émission. Donc il y a Denitsa, il y a aussi Fauve qui est qui revient en tant que danseuse. Alors ça, j'achète et je regarde. Les mecs sont super contents de cette info. C'est genre la bonne nouvelle de cette saison. Même mon père m'en a parlé. Mais donc c'est normal pour le danseur Christian Millette, vu que les danseurs reviennent chaque saison, donc on s'attache pour lui. Il compare ça un peu à une série télé. c'est que les séries télé, peu importe les séries télé, hein, à la base, c'est des gens qui ne sont pas connus et qui sont devenus connus parce que ça fait 7, 8, 9, 10 ans en fait, qu'on les voit. Et les gens en fait, sont plus intéressés par eux parce qu'ils connaissent les personnages et c'est pour ça qu'ils suivent l'émission que par les personnalités très connues qui vont faire juste une petite apparition. Donc, c'est à peu près la même chose sur Danse avec les stars. Je pense qu'on est devenu un intérêt parce que les gens ils savent qu'ils vont nous retrouver à chaque saison. Puis ben, les personnalités, c'est un plus. Mais je pense qu'il y a peut-être pas une majorité, mais il y a une grosse partie des audimates qui sont là pour nous suivre, nous, et pour... donc, c'est, ça aussi, c'est cool d'avoir grandi un petit peu dans cette émission-là. Ah oui! C'est chouette, la potune. Bah oui, c'est chouette. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit jeu sur les candidats ou pas? Ouais! Oui, c'était oufissime, Issa! Ouais, parce qu'on disait que donc, les candidats n'étaient pas spécialement connus, donc je voudrais tester vos connaissances, voir si vous les connaissez ou pas. Okay. On commence par une super facile. Je vous dis les noms, vous me dites si vous connaissez ou pas. Pamela Anderson. Oui, maillot rouge, Baywatch. Basil Boli. Oui, oui. Coup de tête en finale de la Coupe de l'Europe. C'est quoi ça? C'est un joueur de foot, voilà. c'est un joueur français. De foot. Ah, ok. Ouais, tout le monde ne connaît pas. Carla Ginola. Oui, c'est la fille de David Ginola. Qui connaît tout le monde. Oui, David Ginola qui est un ancien joueur de football. C'est ça. Et c'est celle qui a fait beaucoup parler dans Koh-Lanta. Non, ça c'est Candice Renard, rien à voir. Rien à voir. Mais t'es hyper people, toi, Frisco. De ouf. Mais moi, je lis la presse people tous les jours. Tout le temps. Carla Ginola, elle est mannequin et blogueuse, voilà. Jean-Fille Hensens. Oui, ça c'est l'humoriste. Il y a du schnor. Lio. Ah oui, Lio. Bah, c'est du Banana Split. Ça, bah, oui. C'est la touche belge de l'émission. Et Louise Martin. Très bien, directement là. Et ben, c'est une comédienne actrice. Elle jouait dans Tamara, justement, avec Ryan Bensetti. Ah. Et donc, c'est lui qui l'a un peu poussé à faire l'émission. Iris Mittenard. Oui, c'est une ancienne Miss Univers, d'ailleurs. Miss France, la meuf de Kev Adams. Wow, exactement, la meuf de Kev Adams. C'est people, lui, il avait fallu chier. Tu vas aller remplacer Rally, tu Wendy, toi, sans déconner. Il devrait arrêter de jouer. Vincent Moscato. C'est un joueur de rugby, lui, non? Ouais. Bien joué, Marco. Mais attends, il est sportif ici. Il y a juste Jérém qui connaît personne. Moi, je connais personne. Je crois que pas le je connais pas. Clément Rémiens. Attends, si, c'est un sportif aussi, lui, non, je crois. Pas du non, tout. C'est un cuisinier. Non, pas c'est tout. Pas un comédien oui. de. Enfin, je sais. Je sais parce qu'il a. Presque. Demain nous appartient. Exactement. Mais je le connais parce qu'il a fait le teasing avec Camille Combal. C'est tout à fait ça. Voilà. Et Denitsa va jouer dans Demain nous appartient. Donc, normalement, ils vont danser ensemble dans l'émission. Allez, malin. Il en reste que de Terrence Tell. Inconnu, on est d'accord. On est d'accord ouais. Et ben, c'est juste un mannequin, c'est juste parce qu'il est beau gosse. Et voilà. Ok, d'accord. Oui, ça va, fais pas, boude pas ton plaisir. Hein. Tu vas voter pour lui, arrête un peu. Et Anouar Toubali. Oui, ça c'est le. Enfin, oui, c'est le petit. Ah oui, taxi. Oui, dans Pattaya. Oui, exactement. Dans Pattaya, Pattaya. Voilà, donc ce sera samedi soir sur TF1 Danse avec les stars, la nouvelle saison. Ah, merci Camille. Merci. Merci. Merci. Allez, on va se faire un tcha-tcha quand même ensemble. Merci. Allez, faisons ça. Ah oui, pendant Amir. Pendant un slow. Ah bah oui. Un slow, c'est plus facile. Hein. Oui, allez, je vous filme. Pendant un slow, pendant. Voilà, comme ça, dans 5 minutes, je suis célibataire. Un slow de Camille et Marco. Ah bah on vous fait ça et on met ça sur Instagram. Ouais. Les fifous du 6-9 pour venir voir ce beau slow. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines. Pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras. Me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent.

cette émission passait à une vitesse incroyable. Je vous le dis, ça va super vite. Dans un instant, on va vous appeler pour Barcelone. Avant ça, venez nous rejoindre les fifous sur Instagram. On est bientôt à 8000. Tiro toto du croissant tout à l'heure. Excusez-moi. Instagram, c'est les fifous du 6-9 pour nous rejoindre. Qui a eu de beau? Il y a eu Steven qui est arrivé. À Doux. À Coco. Il y a Sabine. Il y a Daisy. Il y a Lodo Gio qui est très mignonne. Essayez, va pécho. Non. I saw you in another's arm. Only a month we've been apart. You look happier. I saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. Saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. If you're moving on with someone new. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But darling, but I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. But I know I was happier. Sur Énergie, promis, on va bientôt y aller. Énergie vous envoie à Barcelone. Avant ça, on va appeler quand même le ou la gagnante du jour pour partir à Barcelone. C'est Énergie qui régale ce matin. On vous rappelle, on vous y envoie tous les jours, tous les matins, entre 6h et 9h. Vous pouvez saisir votre chance déjà pour demain, vous inscrire. Il suffit d'envoyer TRIP par SMS au 78. C'est 1€ le message envoyé et reçu. TRIP au 6018 pour vous inscrire. Tiffany, plus rapide que son ombre. Waouh. Incroyable. Allô, bonjour. Allô. Oui. Allô. Oui. Mais c'est pas vrai. C'est comment ton prénom? Noémie. Noémie. J'ai envie de te dire. Non. Oui. Deux secondes, attends. Que la journée va bien démarrer puisque tu pars à Barcelone. Wow. Bravo Noémie. Noémie, Énergie t'offre ton city trip à Barcelone ce matin. Tu vas pouvoir y aller avec la personne de ton choix. Tu vas y aller avec qui, Noémie? Tu sais déjà? On a Allô perdu Noémie. Non, elle est toujours là. Noémie. Alors, c'est extraordinaire parce qu'elle est tout. Soit elle nous a cassé le stand tellement elle a crié, soit le téléphone est tombé, Noémie. Ah non, c'est... elle est toujours en communication. Non, elle est toujours là, je vous jure, c'est magique. Je suis là, je suis là. T'avais coupé le micro. Mais oui, j'ai pas fait exprès. Ah d'accord, ok, on a eu peur, on a eu très peur. On s'est dit qu'est-ce qui se passe. Bon, et du coup Noémie, tu vas y aller avec qui, tu sais déjà? Avec ma maman, oui. Oh, oh, trop bien. Bien. On a donné des idées tout à l'heure d'y aller entre mère et fille. Et ben, vous allez passer un super week-end les filles, vraiment. Et profitez bien, prenez des photos et vous nous envoyez tout ça, hein. Ça va? Mettez de la crème solaire, hein, ils annoncent du beau temps. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir, on te souhaite une belle journée, Noémie, à bientôt. Oui, au revoir. Salut. Elle est tout émoustillée, Noémie, j'adore. Ouais, c'est trop mignon. Les gars, je suis très ému. Nous sommes à l'heure. Oui. Ce n'est pas arrivé depuis, bah jamais en fait. Hein. Ouais, depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, on n'est jamais parti à 9h. On va du coup pas bouder ce plaisir et partir à 9h01. On va vraiment partir à 9h. On vous souhaite une excellente journée. On vous laisse avec Tanguy. Je l'ai pas vu, Tanguy. Mais il est là, il est au téléphone, il est juste en dehors là, il arrive. Il vient plus dire bonjour, ça y est. Le temps de la pub, il arrive. Tanguy qui est là avec vous pour la playlist personnalisée. Ça débarque maintenant sur énergie. Pour aller la faire sur énergie.be. Une belle journée à tous et rendez-vous demain dès 6h sur Énergie. Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. Dans un monde qui change, passez à la simplicité. Votre fils vient de prendre son train et vous avez oublié de lui donner son argent de poche ? Pas de souci. Utilisez simplement Easy Banking App et faites-lui un versement en toute sécurité, où que vous soyez. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Énergie. Tintin! Oh là là, quel suspense! Juste après le 6-9 Energy, c'est la playlist personnalisée de Adeline aujourd'hui. Et aujourd'hui, Adeline, elle a choisi que des filles pour mettre dans sa playlist. Bon, pourquoi pas, hein? Avec Katy Perry qu'on écoute tout de suite, Marwa Loud, Selena Gomez, Aya Nakamura et encore Katy Perry. Faites la vôtre maintenant sur energy.be. No, did I get too close? Did I almost see what's really on the inside? All your insecurities, all the dirty laundry, never made me blink one time. Cause I will love you unconditionally. hits préférés, vous les choisissez. Faites votre playlist sur energie.be. À chaque fois que je veux te parler, tu t'isoles. Tu peux être une resta, une icône ou ton idole. Puis tu peux parler sur moi, j'en rigole. Avant j'étais ton ami, maintenant pour être une humeur. Trahis tes potos, potos. T'as quelques likes sur tes photos, photos. Tu fais le mec depuis que tu lèves ta moto. À trop parler, ils te feront mal aux côtes. Qui est à tes côtés, t'es le tiro d'à côté. Comme lui t'as de la chance, mais ta vie veut te l'ôter. T'as ton mec à côté, mais lui à côté de tes potes. Vous voulez la vie de rêve, il est à côté de tes poches. Faire de gros placements de millions, ça se fait pas comme étant mignon. De l'argent, on en veut tous en milliers. On est pauvres, mais les sous nous sont tous familiers. Mon poteau, pour toi je donnerai ma vie, mais pas toi mon poteau. Plus que toi mon poteau. Je voulais me tailler, quitter la France. T'as pas de bon payer. Et je préfère m'en aller. Je perds mon temps, retourne à mes billets. Je retourne à mes billets. Je perds mon temps, retourne à mes billets. Et je retourne à mes billets. Je retourne à mes billets. Je retourne à mes billets. Mes billets. Je perds mon temps, retourne à mes billets. J'ai perdu mon temps. Retourne à ma monnaie. J'ai perdu mon temps, je veux plus ton amitié. Ton amitié. J'ai perdu mon temps, donne-moi mes billets. Retourne à mes billets. Poto, tu m'as oublié. Et quand t'étais dans la merde, je savais chez qui crier. Moi j'ai pas oublié, j'ai pas oublié. Quand tu passais devant moi et que tu faisais le filet. Maintenant j'ai y'a qui me fillait, j'ai y'a qui me fillait. Quand j'en fais de la peine, le bonheur n'est qu'une miette. Même l'amour est miette, l'amour est miette, l'amour est miette. Ma vie, mais pas toi, mon poteau. Mon poteau, mon poteau. Tes meufs font plus de bifrons, plus que toi, mon poteau. Je voulais me tailler, quitter la France. T'as pas de bon payer. Et je préfère m'en aller. Retourne à ma monnaie. J'ai perdu mon temps, je veux plus ton amitié. Ton amitié. J'ai perdu mon temps, donne-moi mes billets. Mon poteau, pour toi je donnerai ma vie, mais pas toi mon poteau, tes meufs font plus de bifrons, plus que toi mon poteau. Et je perds mon temps, retourne à mes billets. Je retourne à mes billets. Oh, je perds mon temps, retourne à mes billets. Et je retourne à mes billets. Vous êtes en train de danser, c'est tout à fait normal, c'est l'effet Marwa Loud. C'est l'effet où tu te dis, oh non, j'aime pas cette chanson, et puis en fait, tu chantes. Voilà, Marwa Loud à l'instant, c'est la playlist personnalisée d'Adeline. Elle a dit, j'adore les rythmes et la manière dont ces musiques me font danser et chanter, j'aime vraiment. Bah voilà, nous aussi. On continue, Selena Gomez tout de suite, Aya Nakamura et Katy Perry aussi dans la suite. Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it even though I do. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I wanna hold you. When I'm lying close to someone else, you're stuck in my head. And I can get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you.